Et salut à tous, c'est Editor. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dimitri. Salut. De Dylan. Salut. Et on est réunis pour un concept un peu particulier, à savoir un podcast audio qui s'appelle Le Portail Instable. Alors, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Editor. Vous me connaissez sûrement des vidéos YouTube Tagazok Editor, où on fait du gaming, principalement Minecraft, mais pas que. Je suis un grand fan de Blizzard, et donc l'idée de faire un podcast sur Hearthstone, c'est quelque chose qui me travaille depuis... Enfin, un podcast, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, et sur Hearthstone plus particulièrement. Et donc, pour ça, j'ai demandé l'aide de deux amis. Donc, Dimitri, je te laisse te présenter en premier. Moi, je suis étudiant, joueur Hearthstone depuis la bêta. Donc en novembre 2013, et je joue aussi entre autres des jeux du type Isaac, pour ceux qui connaissent, ou Heroes of the Storm. Donc c'est vraiment Hearthstone qui m'a plongé dans les jeux Blizzard, et c'est ça qui m'a fait découvrir notamment avec Editor et Dylan. Oui, donc moi c'est Dylan. J'ai, comme Dimitri, je me suis devenu un peu plus intéressé à tout ce qui est jeux Blizzard justement grâce à Hearthstone. On a eu la chance d'avoir des clés bêta, donc c'est plutôt cool. On a pu y jouer donc assez rapidement. Sachant pour l'anecdote, moi j'ai ma clé une semaine avant la bêta ouverte, donc c'est assez rigolo. Ouais. Mais, et donc depuis ce moment-là, on joue quand même beaucoup à Hearthstone. Entre nous, et c'est vrai qu'on aime beaucoup, enfin, on est vraiment passionné de voir ce jeu, et c'est avec un plaisir qu'on rejoint donc Edouard pour ce podcast, pour parler donc de ce magnifique jeu. À savoir qu'on joue beaucoup, mais on se considère pas du tout comme des joueurs de haut niveau. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, vraiment pas. Moi, je m'amuse beaucoup sur le jeu, mais... On joue par plaisir. Voilà, clairement. Et c'est un peu l'idée de ce podcast. C'est qu'on va parler de Hearthstone un peu à tout le monde. L'idée n'est pas de faire une espèce de conseil pour les pros où il faut connaître le jeu par cœur pour comprendre ce qui se passe. C'est vraiment pas l'idée. Je tiens à dire que ce concept est très largement inspiré de Azeroth.fr, un podcast qui date un peu beaucoup, qui était animé par Patrick Béja, donc sur l'univers de World of Warcraft. Et c'est vraiment ce mec-là qui m'a motivé, qui m'a donné envie de faire ce podcast. Et donc j'ai envie de le remercier. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire sur... Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien pour télécharger ce podcast en format MP3 si vous préférez, plutôt que le regarder sur YouTube, si vous voulez En sachant bien sûr que c'est un podcast audio, c'est-à-dire que on le diffuse sous une forme vidéo pour dans un sous-titre pratique. C'est plus pratique pour nous, pour l'héberger, pour vous, pour le regarder. Mais l'idée n'est vraiment pas de faire une vidéo à proprement parler. C'est plutôt une espèce de radio, de talk show où on va parler pendant que vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez jouer à Minecraft, Hearthstone, à tout ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, nous, on va essayer de vous occuper l'esprit avec nos belles paroles. Et des bêtises surtout. Et beaucoup de bêtises, exactement. Je pense que c'est tout pour cette partie présentation. Ouais, oui, je pense. Ok, et donc on va passer tout de suite aux news, puisque comme vous le savez sûrement, il y a l'extension Blackrock Mountain qui arrive, et donc on a énormément de choses à dire à ce sujet. Alors, ce podcast va être réparti en plusieurs rubriques. Donc, tout d'abord, on aura la rubrique News, bien sûr, où on va parler de Blackrock Mountain, de tout ce que cette extension ajoute. Ensuite, on aura la partie Lore, c'est-à-dire l'histoire, le background du jeu, et plus particulièrement, bien sûr, de Blackrock Mountain, encore une fois. Ensuite, on aura les trucs et astuces, et plus particulièrement les conseils pour les débutants. On va essayer de se pencher sur les différentes façons de dépenser de l'argent dans Hearthstone, les différentes choses à acheter, qu'est-ce qu'on vous conseille. Enfin, on ira sur qu'est-ce qu'on veut voir dans Hearthstone pour la suite. Et en fait, on va parler des prochaines extensions déjà maintenant, alors même qu'on n'a pas encore Blackrock Mountain. On est tellement impatient de la suite. C'est clairement ça. Dylan, je te laisse commencer sur Blackrock Mountain. Explique-nous en gros qu'est-ce que c'est. Oui, donc Blackrock Mountain, la troisième extension donc de Blizzard sur le jeu Hearthstone, donc qui fait la suite de l'extension de la dernière extension de Gobelins Gnomes et qui est la deuxième extension en mode aventure en fait après Naxxramas. Alors pour situer un peu le concept d'une aventure Hearthstone en fait, il s'agit comme l'était Naxxramas d'un donjon en fait, donc c'est un mode PvE mis en place Player où versus environment, pour voilà opposer de exactement. PvP joueur contre joueur. Voilà, exactement. Donc à la base, Naxxramas, comme Blackrock Mountain, ce sont des instances dans World of Warcraft. Et donc, Blizzard, en fait, le remet ce concept directement dans Hearthstone, à travers donc du PvE. On se retrouve face à des boss, en fait, donc qui sont des ordinateurs contrôlés par l'IA, tout simplement. C'est un peu bête de dire ça. C'est des IA. Et en fait, on les combat et on déverrouille donc des cartes à la fin, c'est ainsi les petites récompenses. Alors. L'intérêt de ça, c'est aussi que ce sont des bots qui ont accès à des cartes, des pouvoirs héroïques, etc., que les joueurs n'ont pas accès, qui les rendent vraiment beaucoup plus puissants que les joueurs. Et donc, la Voilà. plupart du temps, il va falloir utiliser un deck bien spécifique pour réussir à vaincre tel ou tel boss. Exactement. Donc Naxxramas avait un thème plutôt basé sur la mort et les râles d'agonie. Donc là, pour ce Blackrock Mountain, on pense, enfin c'est plus mis en avant, c'est la synergie avec les dragons en particulier. Peut-être qu'il y aura d'autres synergies. Pour l'instant, nous ne savons pas plus. On sait juste que c'est surtout les dragons, notamment l'annonce qui a été mise sur le forum de la part de Meozeldian, hein, qui est donc celui qui est ce community manager apparemment de Lisa. Sur Hearthstone, qui a déclaré sur le forum qu'il y aurait beaucoup de dragons, donc on peut s'attendre vraiment à cela. Bah oui, de toute façon, les dragons étaient déjà présents sur Hearthstone, mais n'étaient pas vraiment utilisés dans les synergies. Et de Voilà, toute non. façon, les quelques cartes qui ont été dévoilées jusque-là sont clairement liées aux dragons pour la plupart. Tout à fait. L'aventure nous propose donc est proposée pour le mois d'avril, donc on a encore un petit mois d'attente, j'ai envie de dire, mais on a tous hâte qu'elle arrive, Ouais, de c'est toute certain. façon, ils vont nous envoyer les informations au compte-goutte. Voilà, et plus on a d'informations, plus on est impatient d'y jouer, parce que c'est vrai que c'est toujours Clairement. très intéressant. Dans les nouveautés, on peut dire qu'il y a 31 nouvelles cartes qui sont annoncées. Dans Naxxramas, il y en avait 30 qui étaient proposées. Donc on retrouve à peu près le même système avec un schéma avec donc du 17 boss, dans Naxxramas il y en avait 15, et avec toujours 9 défis de classe hein, qui sont proposés. Donc ces défis de classe hein, où on a des decks, donc, je rappelle, des decks personnalisés prévus à l'avance. Hein. Et donc on doit jouer, souvent ils mettent en avant la nouvelle carte en fait dans des decks justement à combo en fait, hein, un petit peu hein, en synergie pour pouvoir montrer un peu exploiter cette nouvelle carte. Quand tu dis ça, on pense tous à bien sûr la tisseuse dans Naxxramas, La qui était vraiment tisseuse, oui. le défi le plus génial Le plus génial. de Ou même, tout Naxxramas. simplement, on pourrait penser aussi au deck guerrier, hein, qui était le défi qui était sans doute le plus prise de tête, mais où il y avait quand même, on voyait le sentiment où Blizzard avait voulu mettre en avant, avec notamment la morsure de la mort, hein, qui est les effets d'excédérage. Bon. Ouais, mais qui était beaucoup moins drôle, Ah, ça c'est concrètement. sûr. Donc, Moi, j'en ai gardé un très très mauvais un souvenir très mauvais souvenir. de ce défi de Malheureusement, classe. ça aurait pu être fun, mais malheureusement, ça a été un petit peu Trop bancal. difficile, trop basé sur la chance. C'était frustrant de refaire la même chose en boucle. Exactement. Oui. Peut-être parler du prix de cette Oui, donc au extension? niveau du prix, on retrouve un prix tout à fait similaire à celui de Naxxramas, c'est-à-dire 700 PO par L. Donc ça fait un total de 3500 PO pour les 5 quartiers, ce qui est une somme assez conséquente, il faut l'avouer. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour Naxxramas, ils avaient offert la première aile, Exactement. et c'est pas le cas pour Blackrock Mountain. Ce qui est dommage. Voilà. Sachant que après, bon, le prix en argent réel est de 21,99 €. Que je trouve très cher. Qui est une somme à débourser, c'est sûr. Bon, après, chacun a son avis là-dessus. Ouais, c'est sûr. Après, si vous avez déjà acheté, vous pouvez en acheter une partie avec des golds et une partie avec de l'argent réel. Et pas tout de C'est suite, hein. vrai. En parlant de prix, on peut annoncer dès à présent les précommandes, hein, qui Ouais, est une ça nouveauté arrive par avec rapport à cette extension. Naxxramas, ouais. Une précommande, donc on peut précommander directement toutes les ailes. Hein. On peut pas choisir les ailes, on peut prendre le lot de ces ailes. Seulement avec de l'argent réel. Les PO, ça ne Tant qu'à passe pas. faire. Et daté pour le 20 mars. Donc le 20 mars, on peut commencer à précommander et on va déverrouiller ainsi un nouveau dos de cartes. Ça, on va en parler un peu après. Ouais, l'intérêt surtout Ouais. de cette précommande, si je me trompe pas, c'est d'éviter les soucis de lag et de crash. Enfin, pas de lag, mais la boutique qui n'était plus accessible durant Naxxramas, tellement tout le monde achetait en même Si temps vous étiez le même soir. présent, Ouais. C'était vraiment le bordel oui, le premier ce soir, jour-là. c'était C'est. même. Et même les semaines qui suivent, comme les ailes sont lancées une semaine après l'autre, Toujours au même moment, ouais, le soir toutes où les semaines, lancé, c'était le même bordel. Oui, bah, notamment, donc, généralement, notamment toi, Edouard, t'as eu des problèmes, t'as pas pu jouer aux ailes tout de suite. Moi, je crois que j'ai dû attendre quasiment 2 jours avant de choper une des ailes. Je sais donc pas, là, c'était vraiment énervant. Avec ce système de précommande, on peut espérer que justement il y aura plus de problèmes. Bah, déjà, il y aura tous les joueurs qui auront précommandé, a priori, n'ont pas de problème, et a priori, il y aura moins de gens dans la boutique. Donc, potentiellement, ça devrait aller. Oui, on espère, on croise les doigts de pied, on croise un peu tout. Après. Blizzard est quand même réputé pour avoir des soucis de serveur, etc. Lors des sorties de jeux et d'extensions. C'est de le revers succès. De la médaille, quoi. Ah, ouais, clairement. Donc oui, t'as évoqué tout à l'heure les dots de cartes. Voilà. Il y a effectivement 3 nouveaux dots de cartes avec cette extension. Donc il y en a un pour gagner, enfin pour... Il y a que 2 nouveaux dots de cartes, parce qu'en fait on dit 3, mais en fait il y a le dot de cartes de saison qui est... Enfin... D'accord, ok. Ok. J'avais un doute. Donc, il y a le dot de carte Ragnaros, qui est le dot de carte de la saison. Il faut juste atteindre le voilà. 20. Il y a donc le dot de carte du mode héroïque. Voilà. Qui est vachement stylé quand même. Il est super beau. Contrairement à celui de Naxxramas, qui était quand même assez pauvre, ouais. On peut le dire. Et le dot de carte de la précommande, qui est pas mal aussi, mais c'est pas le meilleur des 3. Bah, moi, j'aime beaucoup quand même. Franchement, je la trouve stylée. Le côté avec la lave, on peut même imaginer une petite animation dessus, donc franchement, je suis un peu curieux de voir. Ouais, mais de toute façon, le dos de tes cartes, tu les vois pas, quoi. Après, ça reste quand même pas grand-chose pour non, la précommande. Non, c'est purement esthétique. Voilà. Non, c'est vraiment, si on veut vraiment être sûr de pas avoir de problème. Non, la précommande, moi, je la trouve... vraiment pas intéressante. Enfin, de manière générale, acheter en argent réel, je trouve ça quand même trop cher. Ça, c'est un débat. Allié à ces d'autres cartes, on a aussi le nouveau plateau. Oui, il y a un plateau qui est quand même assez. Ce qui est super badass, il faut bien le dire. C'est assez monochrome quand même. Très rouge. Ah oui, mais... Orange. Ouais, donc bien sûr, basé sur le thème des Black Rock Mountain, de Ragnaros, de la lave, tout ça, je vous l'expliquerai très bientôt. Mais donc, oui, basé sur la thématique de la lave, des nains sombres fer, de toutes ces choses. Les œufs de dragon, le marteau de Ragna aussi qui est présent sur le coin. Ouais, Sulfuras, la première arme légendaire de World of Warcraft. Alors, ce n'est pas un Pokémon, hein, si vous ne connaissez pas, c'est à préciser quand même. Hein, ouais, je crois que cette blague a déjà été faite, non? Je la refais. Je la refais. Oh, le mec qui recycle les blagues. Voilà, exactement. Mais ouais, vraiment une super, super plateau qui normalement devrait être disponible comme celui de Naxxramas. Une fois l'extension terminée, il sera disponible pour tous les modes de jeu. Oui. Non, c'est dès le début, il sera disponible pour tous les modes de jeu. Autant pour moi, je pensais que c'était. Ah, c'est annoncé parce que Naxxramas, on avait dû attendre quand même. Non, il me semble que j'ai vu que c'était dès le début. D'accord, ah bon, pourquoi pas, hein, chouette, tant mieux. Vivement. Bon, et du coup, on va pouvoir passer aux cartes. Oui, je pense, oui. Alors, ces cartes, on a d'abord la technicienne de l'aile noire. Voilà. Alors, qui est une carte commune neutre, une 2-4 pour 3 points de mana, qui a un cri de guerre, gagne +1/+1 si on possède un dragon en main. Je trouve ça super intéressant. Et donc, attends, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une mécanique qui est introduite et qu'on n'avait jamais eu dans Hearthstone. C'est précisément ce que j'allais dire, c'est que c'est génial. Après, là, je t'ai coupé. C'est pas grave, mais c'est que maintenant, il va falloir réfléchir vraiment différemment à la main de départ. À se demander si ça peut pas être intéressant de garder une très grosse carte dans la main, genre les dragons, la plupart du temps, c'est des cartes légendaires à 8 ou 9. Je pense qu'on aura aussi... Il y a quand même le dragon féerique. Ouais, il y a le dragon féerique. Je pense qu'on aura d'autres cartes dragons qui vont coûter moins cher quand même, donc peut-être pas garder elles devant dans la main de départ. Mais du coup, est-ce que, par exemple, si t'as dans la main une Alexstrasza et une technicienne, est-ce que ça vaut pas le coup de garder les deux? Moi, franchement, je me pose la question, je pense que ça peut pas être rentable. J'ai envie de dire ça, on verra bien par rapport aux dragons qui vont être annoncés. S'il y a vraiment beaucoup de dragons et à plus bas coût, je pense qu'il serait plus intéressant quand même. Surtout que cette carte là va se retrouver probablement dans un deck dragon. Donc je veux dire, à mon avis, on aura quand même facilement, on va dire, allez, sur 34, on devrait avoir une moitié de dragon, quoi. Donc 15 cartes dragon. Peut-être pas quand même. Hein. On regarde les cartes qui ont été annoncées pour l'instant. Mais je pense pas, parce que pour moi, il va y avoir vraiment une aile liée au dragon et les autres seront pas. Enfin, j'en parlerai dans la partie. Peut-être, mais encore une fois, moi je reviens sur Meo Zeldian qui avait annoncé qu'elle avait bien insisté sur les dragons. Oui, mais regarde la technicienne, elle synergise avec les dragons, mais c'est pas un dragon pour autant. Je pense que c'est là-dessus, tu vois. Et c'est pas la seule en plus. Ça à voir. Alors, pour revenir sur la carte, au niveau des stats, alors c'est vrai que le plus 1 plus 1 est quand même très intéressant, parce que pour 3, bah, 3-5, c'est énorme, c'est caractéristique d'un Senjin ou d'un Crash Vase, donc pour 3, c'est très intéressant. Après, sans dragon, une 2-4 pour 3, en soi, c'est pas des mauvaises stats. C'est pas si mal, mais c'est vraiment pas là que c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Faut voir quel dragon on a dans le jeu. Pour le moment, on a des dragons, on a le dragon féerique. Drake Azur. Et donc une 3-2 pour 2. Et après le Drake Azur, donc qui coûte 5 mana, une 4-4. Et le reste, c'est quand même des dragons qui sont late game. Donc, Drake du Crépuscule, il coûte combien? Il coûte 4. 4, mais ouais. C'est quand même assez particulier comme carte. Et ensuite, c'est des gros dragons qui sont assez chers. Ouais. Donc est-ce que c'est quand même assez risqué de garder dans sa main de départ un gros dragon? Ah oui, on va pas pouvoir sûr. Jouer avant le tour 8. Ah oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est à voir, parce que pour le moment, on ne sait pas encore toutes les cartes qu'ils vont rajouter. Il y aura certainement des dragons qui vont se mettre au fur et à mesure. Qui vont se répartir sur la courbe de mana. Moi, j'espère que ce ne sera pas trop le cas. Pour moi, les dragons, ça reste quand même des grosses créatures. Ce serait pas une bonne chose qu'il y ait des dragons à un point de mana. Pas forcément. Non, mana. Mais des petits dragons. Pas forcément parfaitement équilibrés sur la courbe de mana, mais d'avoir des possibilités à chaque. Peut-être pas à chaque drop, mais ouais, un truc un peu plus équitable. Je pense et j'espère que ce sera quand même un peu light, qu'elles coûteront 5-6, ce genre de choses. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dragons en dessous de 4, quoi. Ça me paraît pas très logique. Verrons bien. D'ailleurs, juste en parlant de dragons à 4, non, vas-y, bah vas-y. Je voulais juste conclure par rapport à la technicienne, par rapport en fait, parce que là on parle beaucoup dans les construits, hein, decks construits, donc dans le leader, donc c'est-à-dire pour passer les gens. Mais en arène, est-ce que cette carte va être vraiment intéressante? Je pense pas, non. Bah, encore une fois, disons que les stats 2-4, c'est pas trop mauvais, mais est-ce que c'est suffisant pour être un drop 3? Après, ça dépend vraiment des dragons qui vont suivre, quoi. C'est très aléatoire comme carte, donc en construit, oui. En arène, on peut pas trop dire, quoi. Surtout que, en plus, dernièrement, avec notamment Goblin Gnome, on a eu des drop 3 qui sont quand même beaucoup plus puissants. On peut penser, par exemple, au Bric-à-Broc, le technicien Bric-à-Broc qui peut devenir 4-4. Pour 3, le char araignée qui est 3-4, on met face à une 3-4 face à une 2-4 par exemple, bon, on voit déjà la différence, quoi. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un dragon pour que ce soit vraiment intéressant. C'est normal, c'est le principe de la carte, quoi. C'est oui, bien sûr. Pour être joué optimalement, ça se dit optimalement, non, pour être joué optimal, il faut vraiment la jouer avec un dragon, c'est normal, c'est la synergie. Oui, on passe à la suivante, ouais. Donc. Je vais la faire celle-là. Vas-y, je t'en prie. On va les faire chacun à son tour. De toute façon, Dimitri a l'âme d'un dragon en lui. Donc le dragon affamé, c'est pas un gros ton, mais bon, c'est un ton dans le domaine des cartes, des jeux de cartes, c'est. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une grosse carte qui coûte cher. D'accord. Et qui impose sur le terrain. Voilà, qui a des grosses stats. On saura, c'est pas un gros ton. C'est pas un poisson, hein. Et donc, c'est une carte pour 4. Et c'est, je pense, les meilleures stats pour 4 qu'on puisse avoir. C'est une 5-6. Ouais. C'est énorme. Le type dragon. C'est énorme. C'est une commune neutre. Hein. En comparaison, le Yeti, c'est une 4-5, c'est ça, pour 4? Oui, c'est une 4-5. Exact. Et donc, par contre, donc, toujours quand il y a des grosses stats comme ça pour ce prix-là, il y a toujours un petit drawback, donc un petit. Une contrepartie, voilà. Je trouvais pas le mot en français. Et ici, c'est que ça invoque pour notre adversaire un serviteur qui vaut un cristal de mana. Donc aléatoire. Oui, aléatoire. Donc ça peut être parmi toutes les cartes qui existent. Très variable. Dans les drops 1, il y a des mais il y a des trucs qui servent à rien. Il y a des 1-1 et il y a des trucs beaucoup plus dangereux. Alors on s'est amusé à faire un peu la liste rapidement, on va pas vous la faire. Sachez juste qu'il y a quand même 34 carte qui vaut un cristal, donc il y a quand même pas mal de choix. Et d'autant on retrouve pas mal de murlocs quand même, hein, entre l'écumeur, le maître des flots, l'oracle sinistre, donc il y a quand même trois murlocs. En fait, dans les cartes neutres, il n'y a pas grand chose de très intéressant, il n'y a pas grand chose de ouf. Il y a Filtrateur Worgen qui est quand même pas mal, ouais, mais deux, ça, un camouflé, c'est pas mal. Ouais, mais ça vaut quand même un, c'est pas une carte qui a plus de valeur que. Il y a le Croc Zombie qui peut être quand même assez intéressant. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de sortir avec ça un Diablotin de feu, par exemple. Qui en soi vaut plus qu'un parce qu'elle a une contrepartie et on skip la contrepartie. Donc, ouais, c'est moi, clair. Ça, c'est vraiment très violent. Et après, la question, c'est est-ce que tu vas vouloir la jouer tour 4 en te disant tant pis pour ce qu'il va avoir? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si tu la joues tour 4, ton adversaire avoir une créature, s'il avait rien sur le board à ce moment-là, ça si c'est un démoniste par exemple, il va pouvoir la booster. Et ça peut vraiment se retourner contre toi. Ouais, clairement. Alors que si tu mets un Yeti Norrois, un 4-5, t'as un Yeti et lui, s'il a pas toutes ses créatures et qu'il a des sorts pour booster les siennes, ben il peut rien faire. Clairement. Alors si on peut pas la gérer tout de suite, on peut se poser des questions sur la façon. Il va falloir réfléchir à comment on joue, contre qui on joue. Pour l'utiliser de manière optimale. Je pense que de toute façon, il y a quand même une prise de risque. C'est ce qui avait été vraiment introduit par l'extension Goblin Gnome. Oui, il y avait beaucoup d'effets aléatoires. Il y a beaucoup de serviteurs aléatoires, invoque d'un serviteur aléatoire, etc. Et de toute façon, voilà, il va falloir prendre des risques. C'est quand même un jeu qui est basé sur le random et tout ça. Et donc, l'adversaire peut sortir une 1-1 qui va vraiment pas faire peur comme un truc beaucoup plus dangereux. C'est une prise de risque. Voilà. Après, on peut citer peut-être vite fait quelques cartes qui sont vraiment intéressantes dans le genre, par exemple la Wyrm de Mana qui peut être vraiment très bien, ou encore le Diable de Poussière, hein, qui est une carte qu'on voit pas souvent, c'est vrai. Ça, mais qui est quand même 3-1 Furie des Vents. Donc, n'oublie pas, comme disait Dimitri tout à l'heure, si on joue pour 4 ou tour 4 le dragon et qu'on passe notre tour et qu'on a donné un Diable de Poussière, on donne facilement 6 points de dégâts à l'adversaire. Ouais, et alors, si c'est un chaman. Ah bah voilà quoi. Bah, surtout booster, quoi, en plus, ouais, surtout les cartes les cartes de classe, si on les donne à la bonne classe, ou, par exemple un clerc du comté du Nord en soi, si on le donne ça à un mage, c'est pas très grave, mais si on donne ça à un prêtre, ça peut vraiment être très très puissant. Bon, de manière générale, il y a quand même plutôt une bonne chance que ça sorte un peu des trucs vraiment. Oui, voilà. Il y a 34 cartes, parmi les 34, il y en a peut-être 6, 7 qui valent vraiment le coup. Ouais, effectivement, ouais. C'est comme ça. Donc voilà, après, le plus intéressant, c'est encore d'avoir une autre créature sur le terrain, d'être prêt à trade, quoi. Comme l'avait dit Triple, ce qui est génial, c'est de mettre un infiltrateur Worgen et de le booster sur la carte qu'on va lui donner. Là, c'est complètement monstrueux. C'est sûr. Pour juste revenir vite fait sur les stats, on rappelle quand même que c'est une 5-6 pour 4, ça reste quand même très très fort. Hein. Parce que là, on parle beaucoup du contrepartie qui arrive, mais dites-vous bien que 5-6 pour 4, ça peut chercher des drops 5 facilement. Par exemple, une carte qui est beaucoup jouée, comme par exemple au Reb, qui est une 5-5, ça va le chercher. Ouais, ça peut chercher un Dracazur, ça peut chercher un Crash Vase, enfin, ça va vraiment chercher des bonnes créatures quand même malgré tout. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment très puissant et j'ai hâte de voir comment ça va se donner en jeu au final. Est-ce que ça va être beaucoup joué? Est-ce que ça va être finalement un peu abandonné pour d'autres cartes? Donc voilà, en arène, ça risque d'être utilisé. Je pense que on a bien avoir ces cartes, on a des bonnes stats. En construit, on peut se demander parce que ça peut être. Normalement, on n'aime pas trop avoir des cartes qui n'ont pas d'effet quand on les pose, mais surtout pour des grosses cartes. Alors pour un drop 4, c'est pas forcément gênant. Donc à voir. Je la verrais bien chez un prêtre, par exemple. Il aime bien les stats, les beaucoup, beaucoup de points de vie. Ouais, donc, c'est facile pour les booster, les maintenir en vie, etc. Quoi. C'est une carte que je verrais bien chez le prêtre. Après, certainement sur d'autres decks un peu contrôle, tempo. Franchement, cette carte-là, je pense qu'il y a. Elle a un bon point de vue, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Elle a un bon avenir aussi, dans un sens. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer, parce qu'encore une fois, il y a certaines cartes qu'on peut se dire que ça va être génial, et au final, ça va pas être du tout joué. Hein. Il y a beaucoup de choses. Non, mais. De toute façon, il faudra voir. Mais ouais, je pense clairement qu'en arène, elle va être très très jouée, cette carte-là. Tu passes à la carte suivante, Dylan ? Oui, bien sûr. On va passer au rare maintenant, une carte rare. Le client sinistre, qui est une carte aussi neutre. C'est une 3-3 pour 5, donc des stats assez pauvres, mais qui possède donc un effet assez intéressant et assez comique quand même, il faut le dire. Donc ça se dit « Invoque un autre client sinistre à chaque dégât que subit ce serviteur ». Invoque un autre client sinistre à chaque fois que ce serviteur survit aux dégâts qu'il subit. Voilà, j'avais mal écrit. Donc forcément, je me suis un peu perdu. Ça me faisait bizarre, j'étais en train de me poser la question. Je me suis dit, mais du coup, en fait, elle est intuable, faut la silence. C'est horrible. Ce serait complètement pété. Mais déjà, là, c'est vraiment très fort. C'est très fort. Et surtout, on pense. 3-3 qui, chaque fois qu'elle est blessée, se duplique. Ouais, et ça invoque 3. Elle coûte quand même 5. Hein, donc, On pense tout de suite au guerrier, car ce que le guerrier, il aime bien faire des dégâts sur lui-même, j'ai envie de dire. Enfin, surtout ses créatures. Donc, créature, ça marche rien que par exemple le combo avec le tourbillon ou même avec la morsure de la mort. La mort rebondissante, oui, pourquoi pas. Ah, la vache, ouais, parce que tu mets les lames rebondissantes. Ça fait. Ça tape ta 3-3. Ça fait spawner une 3-3. Ça retape sur ta 3-2. ça refait sur les 3-3, qui peut retaper tes 3-3. Ça peut être, ça peut et donc, être ça peut, complètement frustrant. Ça peut snowball et te remplir ton turn de 3-3. Après, il faut faire attention quand même. Après, il faut faire attention quand même. La lame rebondissante coûte 3, la carte coûte déjà 5, ça fait un combo à 8. Est-ce que... Elle coûte que 3, la lame rebondissante Il me semble. Moi, je pense que vraiment que ça peut être un combo ça super violent. C'est vrai pas que si la table est vide et qu'on a rien, c'est vrai que ça peut mettre une bonne table en place. Mais après, si on ne se trouve pas en face à un mage, bon, le choc de flamme, il sera facile, quoi. Donc, disons qu'il ne faut pas oublier quand même c'est même contre un paladin ou un prêtre, hein, les deux points de dégâts, il peut les faire. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut bien se dire, parce que même pour vraiment profiter de l'effet de cette carte, il faut au moins la dupliquer une fois. Et le problème, c'est qu'on... pour la dupliquer, ça coûte donc 5 et plus. Ouais. Et donc, ça, est-ce qu'on est prêt à avoir une 3-2, une 3-3 sur table et payer, on va dire, 7 au minimum? C'est vrai, comme ça, c'est vrai. C'est, donc, franchement, je pense qu'on peut avoir des très bons decks à ce sujet, donc des decks guerriers vraiment concentrés sur ce combo-là, hein, comme on peut avoir, par exemple, aujourd'hui avec le Hobgoblin, des decks qui se construisent un peu autour. Mais est-ce que ça va être des decks qui vont être vraiment viables? Moi, j'ai quand même des doutes sur le fait que ça peut être drôle et on peut essayer de faire un deck tourner autour et avoir... une certaine réussite avec, je pense, mais je suis assez d'accord. J'ai quand même des doutes que de la viabilité vraiment sur un truc vraiment efficace. Je pense que ça dépend vraiment de contre quoi tu vas tomber. Si tu tombes contre mage, prêtre, paladin, je pense que c'est foutu. Tu fais déjà la moitié, tu fais déjà un tiers. Hein. Ouais, après, mais... contre ouais, les autres, ça veut dire que tu vas être très bon. Non, ça veut pas dire que tu vas gagner. Face à un démoniste, hein, les flammes infernales, c'est trop, c'est dégueu. C'est moins joué quand même. Après, c'est vrai que si cette carte arrive dans la méta, ça va être joué. On passe ensuite sur la première légendaire annoncée, Reine de Main Noire. Donc une légendaire neutre qui a 8-4 pour 7 points de mana, et qui a comme cri de guerre, détruit un serviteur légendaire si vous avez un dragon en main. Moi sur le coup j'ai trouvé ça super balèze en fait. Moi je me suis dit que c'était pourri. Voilà, et j'ai eu le même avis que Dimitri, j'ai trouvé ça nul. Bah, alors, c'est vrai ce qu'on va dire, c'est que ça s'inscrit dans la lignée des cartes du type Chasse au gros gibier, qui est une 4-2 pour 3. Donc, qui est une des meilleures cartes, j'ai envie de dire, pour détruire. En ce moment, surtout avec Dr. Boom, dans le contexte qui fait des fléaux. et aussi dans la lignée de Emmett Nezingwari, donc 6-3 pour je sais plus combien. 6-3 pour 5. 6-3 pour 5, et donc qui détruit une bête. Bah, détruit une bête quand il y a une terrain. Bête, voilà. Et qui est pas du tout joué parce que bon, l'effet est quand même assez particulier. Faut vraiment. Même aujourd'hui face à un chasseur. Tu vas la garder en main pendant toute la game en espérant qu'il sorte une bête. Voilà. Exactement. Alors que si t'avais eu un autre drop 5, ben, tu l'aurais juste joué. Et t'aurais pas eu cette contrainte, notamment une carte morte. Non, mais même par exemple, pour comparer, pour une carte qui vaut 5 également, par rapport à Harrison Jones par exemple, on peut le mettre dans un deck, parce que même si on est face à un adversaire qui a pas une qui n'utilise pas d'armes, comme par exemple le prêtre, ça reste sur 5-4 pour 5. Au moins, tu sais qu'il a pas d'armes, donc tu t'hésites pas à la jouer, tu la joues, parce que tu sais très bien qu'il va pas te sortir. C'est bon, et les stats restent corrects, c'est une 5-4 pour 5, ça va, c'est pas non plus la mer à boire, j'ai envie de dire. Tandis que là, c'est quand même une 6-3, 3 PV, c'est tellement peu quoi pour ça. Ouais. Et encore une fois, les decks qui pourraient vraiment. Enfin, la carte qui pourrait vraiment contrer les decks, sans envie de dire, c'est le chasseur. Et encore aujourd'hui, avec les chasseurs qui jouent de moins en moins bêtes, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas juste ça, c'est qu'ils jouent pas avec des bêtes gigantesques, ils jouent plutôt avec plein de petites bêtes. Donc, voilà, on s'éloigne un peu de notre légendaire. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est pour repartir sur l'idée après que de Reine Manoir, justement, c'est par rapport aussi au serviteur légendaire. Et par exemple, encore une fois, cette carte face à un deck, ça dépend des decks, face à un deck que Gary contrôle. C'est bien, parce que mais face à un zoo, il n'y a pas des gens. Il y a des La méta est quand même assez, de manière générale, assez orientée agressive. C'est vrai, mais généralement, je veux dire, à part le guerrier contrôle qui joue avec facilement, on va dire, 5 légendaires, les decks ont en général, on va dire, 1 à 2 légendaires maximum, quoi. 1 à 2 légendaires. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de points négatifs, je trouve, sur cette carte. Ouais. Déjà, les 4 PV, c'est vraiment ridicule pour une carte à 7 mana. C'est clair. C'est vraiment ça meurt à rien quoi. Ouais, elle va mourir au tour suivant. Va mourir au tour où elle a été invoquée. Tu peux mourir de la chasse au gros gibier, t'as que 4 PV donc bon, pour survivre c'est pas évident. Elle te coûte 7 et faut avoir un dragon en main. Ça fait beaucoup de conditions et de choses un peu mauvaises qui rendent vraiment cette carte. Limite, ça devrait être réduire un serviteur légendaire au silence, puis le détruit. Là, tu vois, ouais. Pour avoir de la value avec tout ça. Ouais, c'est vrai que ça serait un peu plus intéressant déjà. Un peu aimant, mais... Et puis même, cette carte-là, pour rester sur les idées de conditions, on peut déjà dire d'avance qu'en légendaire, en arène, c'est la pire légendaire qu'on peut avoir à prendre, parce que les conditions sont beaucoup trop énormes, parce que déjà, pour tomber sur un adversaire en arène qui possède une légendaire, bah déjà, il faut y aller, parce que c'est quand même... C'est pas commun. Avoir un dragon en plus dans un deck arène, c'est pas sûr du tout non plus, et puis même si on a un dragon, ça fait pas forcément... Faut avoir la chance d'avoir le dragon en main à ce moment-là, parce que, bon, c'est pas sûr d'en avoir 2-3, quoi. C'est vraiment... Puis encore une fois, les stats, elles ne suivent pas pour dire qu'on puisse le prendre, quoi. Et même, après, le dragon, ça va encore devenir une carte morte, quoi. C'est une carte que tu vas garder dans la main en te disant « Faut que je pioche Reine Manoir avant de jouer le dragon, sinon il va servir à rien. » Et du coup, voilà, c'est exactement ça, quoi. Avec de plus en plus de cartes mortes dans la main, et ça sert à rien. Bah, tu vois, j'ai en train de me dire que ce sera sans doute la première légendaire qu'on va avoir, la première L. Non, je ne pense pas. Je pense que ce sera la deuxième. Ah, la deuxième. Pardon. Ouais. Parce que j'allais dire, du coup, si c'était la première, on pouvait penser aussi à Mike Snow, qui était la première légendaire qui nous était offerte par Naxxramas, et qui n'était pas forcément mauvaise, mais qui malheureusement n'est pas jouable, quoi. Je préfère de très loin Mike Snow. Ah oui, c'est sûr, mais aujourd'hui, elle n'est pas jouée du tout. En arène, non. Elle est un peu plus malade, mais... Donc, Reine Manoir, on est tous d'accord, ça part à la poubelle. Ouais, ouais. Après, ouais. Un deck full dragon vraiment très light qui sort de nulle part avec les autres cartes qu'il va annoncer, mais j'en doute. Et à moins que vraiment les decks dragons viennent vraiment à la mode et que dans ce cas-là on nous retrouve avec beaucoup de grosses cartes dragons, et là ça peut effectivement être un bon compte face à des decks dragons, parce qu'encore une fois tu es pas un peu pas forcément Eldemort, mais pensez à tuer Issera, Alexstrasza, parce que faut penser que s'il y a des decks dragons qui se créent, on aura beaucoup de dragons qui ont quand même des effets qui sont pour l'instant joués individuellement, mais s'ils se jouent tous en même temps, ça peut être assez compliqué, dans le sens où on a Alexstrasza, Issera, qui sont très bonnes cartes. Bon, Eldemort, ça c'est un peu particulier. Bon, on a Zorbu par exemple, qui pourra peut-être faire son retour sur la scène. J'en doute quand même. Enfin, il y a des... Mais pour l'instant, honnêtement, Reine Manoir, non. On va peut-être passer à la carte suivante. Ouais, très clairement. Donc, le furtif sombre fer, une rare. On passe ça sur les cartes noires de classe. Donc c'est une carte voleur, qui est une 4-3 pour 5, donc des stats un peu en dessous. Pas top. Hein. Mais qui a un cri de guerre, donc qui inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses qui ne sont pas blessés. Alors, c'est un peu un mélange de backstab et de déluge de lames, en fait. C'est assez original. C'est un backstab massif, ouais, en plus d'une 4-3. Donc c'est vrai que les stats sont faibles. Vas-y. C'est vrai que les stats sont faibles. L'effet est dévastateur contre un deck aggro. Voilà, clairement. Je pense que cette carte, elle reflète très bien l'esprit qu'il y a eu. Les deux extensions précédentes, ça a orienté plus la game, enfin plus le jeu vers des decks agressifs. Et là, on sent quand même qu'ils veulent faire l'inverse. Et pour moi, cette carte, ça résume tout, quoi. C'est vraiment l'anti-aggro parfait. C'est un mini Baron Guédon, c'est génial. Alors, c'est vrai qu'en plus, on peut dire que 2 points de dégâts, c'est quand même c'est très intéressant malgré tout. Alors, c'est vrai que par contre, moi, je sais pas trop ce que ça va donner exactement, parce que la contrepartie, entre guillemets, le fait que les serviteurs ne doivent pas être blessés, ça rend beaucoup moins fort de la carte quand même malgré tout, parce que, disons que, avant, par exemple, par rapport à la consécration, par exemple, ou à Nouva Sacré, que peut obséder le prêtre et le paladin, j'étais sûr de faire les 2 points de dégâts et pas en finir des créatures qui étaient déjà blessées. Là, ça marchera pas. Moi, je pense que ça peut être très bien utilisé, ce truc. Ça si, par exemple, en face de toi, t'as un œuf de Nérubien, t'es un voleur, en théorie, t'as potentiellement une dague dans la main. Tu peux volontairement donner un coup de dague dans l'œuf, puis mettre ta carte pour que l'œuf soit blessé et qu'il prenne pas les dégâts. Moi, je pense que ça peut vraiment être... Ça peut être super bien utilisé, cette Effectivement. Truc. Après, ce qu'il faut voir, c'est aussi que... actuellement, les decks voleurs ont pas vraiment de place pour cette carte. Parce que dans les decks agressifs, vrai, comme le deck cancer qu'on avait à une époque, ou le deck avec l'huile d'affûtage qu'on a maintenant, on n'a pas vraiment la place de mettre ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et dans un deck miracle, est-ce qu'on veut vraiment avoir ça? À préciser surtout que le voleur est l'une des rares classes qui joue beaucoup plus sort que créature en général. Mais combo de manière générale, c'est vraiment voleur. Pour moi, c'est vraiment une classe qui bah, oui, mais en général, c'est aussi des combos, des sorts, quoi. Il y a très peu de créatures dans un voleur. C'est vraiment jouer avec des combos très particuliers. C'est sortir une carte, puis la booster, puis tout faire en un tour, quoi. C'est vraiment accumuler, et d'un seul coup tout lâcher. Pour moi, le voleur, c'est vraiment une classe qui est un peu à part des autres. C'est la seule classe que j'arrive vraiment pas à prendre en main personnellement. Et j'ai l'impression qu'avec les deux dernières extensions, ils essayent de transformer le voleur en une classe un peu les autres, avec notamment l'huile d'affûtage qui donne un petit boost au voleur pour le rendre plus efficace de manière un gros boost quand même. Ouais, mais ça rend le voleur moins compliqué à jouer, ça le joue peut-être moins avec des combos vraiment tordus. Enfin, je sais pas, moi c'est cette impression-là que j'ai. Disons que pour moi, cette carte-là fera bien partie peut-être des decks cancer, justement des voleurs cancer qu'on parlait. Après, des decks actuels, je ne pense pas qu'elle va trouver forcément sa place dans le sens non. où on a déjà un déluge de l'âme qui est quand même le sort de zone du voleur et qui est actuellement avec le poison, l'huile et même le robot, là, le barbier, le robot barbier qui donne plus un à l'arme. Je pense que. Enfin, on n'est pas trop gêné quoi à ce niveau-là. Quoi, donc, Non, mais très clairement, toutes les extensions ont créé des nouvelles decks pour des nouveaux decks voilà, pour chaque classe et je pense que ce sera le cas pour le voleur. La carte est intéressante, mais est-ce qu'elle sera jouée. Peut-être dans un tout nouveau deck voleur, mais non. Moi j'aimerais bien, elle est cool cette carte. Elle est sympa, elle donne des possibilités. Ça, c'est ça qui est intéressant, surtout, c'est ce qui est sympa avec Bizarre, c'est qu'il propose des cartes avec des possibilités. On a peut-être un deck voleur plus contrôle. Plus contrôle, aussi, ouais. On n'a pas encore vu vraiment. Et oui, effectivement, oui. Parce que c'est vrai que quand on parle du Julien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le Julien ne peut fonctionner vraiment que s'il a des poisons et l'huile, enfin, même s'il n'y a pas l'huile, mais au moins des poisons. Des combos, quoi. Enfin, c'est, parce il faut c'est... vraiment plusieurs cartes pour qu'elles soient. Parce que sinon, techniquement, le Julien ne fait qu'un dégât, donc c'est pas. Le lanceur de hache. On passe au suivant, toi, je te laisse présenter. Toi. Ok, alors c'est une commune pour le guerrier. C'est une 2-5 pour 4 qui a pour effet d'infliger 2 points de dégâts au héros adverse à chaque fois qu'elle subit des dégâts. Moi j'aime bien. Ouais. Alors, celle-ci a été annoncée aujourd'hui d'ailleurs. Oui, elle a été annoncée aujourd'hui, ouais. Juste avant qu'on commence le récap. Contrairement aux autres qui avaient été annoncées un peu plus tôt. Voilà. Il y a 3-4 jours, un peu plus. Alors, on sait bien que le guerrier, comme je disais tout à l'heure, le guerrier il se fait quand même beaucoup de dégâts à ses serviteurs, donc c'est vrai qu'elle pourra bien comboter. 2 points de dégâts, c'est simple, c'est pas acheté, hein. 2 points de dégâts, c'est toujours à prendre. Non. Sur le héros adverse, alors certains pourraient dire que ça aurait été mieux quand même sur les serviteurs adverses. Après, ça se veut pas dans cette optique-là. C'est pas un jongleur de couteau, quoi. C'est un lanceur de hache, c'est pas pareil. Ouais voilà, directement dans la face. Mais moi, je pense que cette carte-là, elle va vraiment être jouée. En gros, tu la poses sur le terrain, et si l'adversaire au prochain tour la trade pas, et bah tu lui sors un combo de fou furieux où tu blesses ta carte, tu la boostes, tu la blesses, tu la boostes, et tu lui fais 8 points de dégâts avec l'actif, et tu lui envoies dans la tête ta créature qui va être boostée à 18 points. Et... Enfin, moi c'est comme ça que je la vois, je pense vraiment que ça va être ça. C'est une carte qui est dans l'optique aggro un peu, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre pour cette extension. C'est vrai que si t'as un deck qui va vraiment tout le temps dans la tête, qui se prend pas la tête, qui va tout le temps faire les dégâts directs, elle peut compter sur cette carte pour faire le reste. C'est clair, c'est clair. Tu mets dans mes deux, tu mets l'âme rebondissante. Effectivement, j'avais pas pensé à ce combo, mais ça va être peut-être starty. Moi, je pensais au combo plus simple avec le sous-chef cruel. Tu fais ça, ça fait 2 points de dégâts. Et après, tu fais encore 4 points, donc tu peux faire 6 dégâts en un tour. Ce qui est quand même. 6 dégâts, c'est quand même fort. Voilà, donc je pense qu'il y a des decks qui vont se créer. Surtout la lame rebondissante qui est un peu boudée actuellement. Je pense que c'est vrai qu'avec notamment on avait le client sinistre et là le lanceur de hache, on peut peut-être avoir des decks vraiment très intéressants pour le guerrier. J'avais pas pensé, mais je pense que c'est sûrement une volonté de leur part d'essayer de remettre un peu cette carte dans la méta. On a une dernière. On peut se demander aussi. Ouais, c'est avec comment ça va fonctionner avec le cri de commandement. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qui empêche la vie de descendre en dessous de 1. Bah, je pense qu'elle va continuer d'être blessée. C'est le cas aussi pour le Berserker. Non, je pense pas parce que c'est subi des dégâts. Donc techniquement, si elle fait pas moins 1 sur elle, en fait, je pense que c'est comme Gazrilla. J'avais vu, je sais plus qui c'était qui avait fait une vidéo où ils essayaient de la monter au maximum. Et donc ils faisaient ça avec un cri de commandement. Et donc elle doublait bien à chaque fois, sauf quand elle était déjà à 1 et qu'elle reprenait les dégâts. Là, elle. Ouais, je pense que ça va être ça. Ouais. Non, parce que avec le Berserker Amani, je crois, c'est ça qu'il s'appelle. Ouais. Qui booste à chaque fois que les serviteurs subissent des dégâts. On avait déjà vu des combos de fous furieux avec des comment ça s'appelle, les pyromanciens sauvages, cri de commandement et ça fait des dégâts. Ouais, mais c'est quand même différent parce que c'est pas elle qui doit prendre. Je sais pas. Faudra voir. À voir, ouais. J'espère que ça marchera. Dans tous les cas, hors des combos bizarres, je pense que ça sera quand même joué dans les decks aggro. Ouais. Des decks avec plein d'armes où tu vas infliger ton arcaniste dans la tête de l'adversaire. Si tu peux trader 2 petites créatures avec ça et mettre 4 points de dégâts dans la tête de l'adversaire, c'est sûr que ça se prend, quoi. Ouais. Et on a une dernière carte pour le chaman. Oui. Donc c'est une carte rare pour le chaman. Donc c'est un sort. Donc on passe un peu à autre chose pour une fois. Un sort qui donc de base inflige 2 points de dégâts. Donc pas seulement sur les héros, hein, inflige 2 points de dégâts tout simplement. Donc sur les serviteurs ou sur le héros. À la cible. Ouais. Voilà. Et par contre, il y a un petit ajout supplémentaire qui est assez intéressant, c'est que ça débloque les cristaux de mana en surcharge. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que le chaman est la seule classe d'ailleurs qui joue avec les cartes surcharge. Donc pour rappel, qui est une carte surcharge qui a généralement un faible coût en mana, mais qui bloque des cristaux mana pour le tour suivant. Donc on pense notamment aux tempêtes de foudre, aux loups, je sais même plus le nom des loups là, des trois qui arrivent. Je sais plus le sort qu'invoque deux loups, deux trois. L'esprit du loup, je sais même plus. On l'en voit même plus en ce moment, donc c'est assez difficile à retrouver. Mais bref, vous voyez très bien. Dans tous les cas, ouais, c'est une contrepartie qui fait que on se bloque des cristaux. Et là, on propose donc pour la première fois, on propose une carte qui donc débloque les cristaux de mana en surcharge. Alors comme je posais la question tout à l'heure, je me demandais est-ce que la carte surcharge, enfin les cristaux de mana surcharge, est-ce que c'est vraiment le tour actuel, c'est-à-dire les cristaux qui sont bloqués, est-ce que ça les déverrouille maintenant? Ou alors est-ce que ça peut déverrouiller également les cristaux qui seront bloqués au tour suivant? Je pense que c'est ceux qui sont déjà en surcharge. Je pense également, mais c'est pas. On peut se poser quand même la question malgré tout. Je pense que je rejoins ton avis. Est-ce qu'il faut la jouer en même temps que la surcharge ou est-ce qu'il faut la jouer au tour d'après? Moi je pense qu'on pourra faire les deux. A priori, dès qu'on joue la carte en surcharge, les cristaux de mana sont affichés comme verrouillés, non? Non, ils sont en dessous. Ouais, ils sont au-dessus. Ils sont en dessous? Ouais. Ouais, mais donc ils sont affichés quand même. Donc à mon avis, si tu joues la surcharge puis que tu sors là, je pense que ça devrait débloquer. C'est vrai que c'est un point qui est pas clair, moi je pense vraiment pas que ce soit comme ça. Je pense que ça c'est le tour même que tes cristaux sont bloqués, que tu peux jouer. Moi je vois ça comme un truc qui te permet d'utiliser tes cristaux de mana qui sont en surcharge pour faire ce sort là. Parce que finalement c'est pas tu utilises quand même deux cristaux de mana. Donc en fait tu utilises tes cristaux de mana qui sont en surcharge pour faire ce sort. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, effectivement, ça peut être ça aussi. Parce qu'après, c'est vrai que si c'est juste débloquer les cristaux qui sont bloqués à ce moment-là, enfin, je trouve ça va être un effet un peu moyen parce qu'il faut déjà payer, donc il coûte 2, hein, ça, je l'ai pas pris. Bah, de toute façon, ça fait pas de grosse différence, hein. La seule différence, c'est que. Bah, disons que. C'est qu'il va falloir les jouer au début ou à la fin du tour. Bah, en soi, si, parce que si, disons que. Imaginons que t'as 7 points de mana et que t'en as 2 qui sont verrouillés, donc à la base, tu dois en avoir 9, mais donc t'en as 7 sur le coup, tu dépenses 2, donc tu passes à 5, mais tu déverrouilles tes deux autres cristaux, tu repasses à 7, donc au final c'est comme si t'avais rien fait, enfin t'as fait 2 points de dégâts, puis c'est tout quoi. Donc c'est vraiment intéressant seulement si t'as joué beaucoup de cartes surcharge au tour présent, genre t'as fait un éclair, t'as mis tes loups, et t'as sorti le gros taunt 7-8, l'élémentaire de terre, que là t'étais à 6 cristaux de mana en surcharge, tu utilises ce sort là pour 2, tu débloques tous tes autres cristaux, tu peux rejouer derrière facilement quoi. Moi je pense que c'est comme ça, si j'ai pas comme pense, ça, ça a pas je pense d'intérêt. Que c'est comme ça que ça va jouer, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, enfin le problème, en soi aujourd'hui quand on joue une carte surcharge, généralement on a qu'un ou deux cristaux de mana, voire 3, c'est très très rare. Parce que l'élémentaire de Tan n'est pas joué, Neptulon est un peu joué, donc peut-être que justement on va les retrouver du coup. Si t'as ça dans la main, surcharge effectivement. Si t'as cette carte là dans la main, tu sais que tu peux te permettre de jouer plein de surcharges et au prochain tour, bah effectivement. Tu les récupères. En tout cas, on va avoir des chamans qui vont mettre du temps à jouer pour compter leurs cristaux sur 15 tours. Voilà. Et puis là, on va sortir au rêve, le mec il va être, il va se faire avoir, il pourra pas faire son Orion de lave, il sera surchargé. C'est tout pour les cartes. J'aimerais juste préciser par rapport aux cartes de classe, quelque chose qui m'a un peu surpris tout à l'heure, c'est que comme je vous ai dit, la carte voleur et la carte chaman c'est une carte rare. En revanche, la carte guerrier c'est une carte commune. Donc on peut. Oui, c'est vrai. Alors que contrairement à Naxxramas où toutes les cartes des classes étaient communes en fait, là on a quand même une différenciation qui est faite. Alors est-ce que c'est juste? On va rester sur l'esprit d'avoir une carte par classe et c'est juste une différenciation pour dire que dans les arènes en fait pour la classe en fait de tout pas de manière de tomber sur la carte ou pas. Ou alors est-ce qu'on peut espérer avoir par exemple plusieurs cartes, genre une carte une rare, une carte commune pour les classes? Je pense pas, je pense que encore une fois c'est plutôt l'idée de l'arène. Mais encore une fois il y a une petite différenciation qui est faite et donc. Moi ça me semble intéressant, une commune et une rare par classe. Du coup il y aurait moins de cartes. Du coup ça voudrait dire qu'ils changent un peu le concept des défis de classe. Ça va voir, ça bizarre. Ça se trouve, il y aura deux défis de classe, effectivement. Soit il y a deux défis de classe, ou alors il y a un défi de classe et une carte qui se débloque dans l'aventure normale. Dans ce cas-là, ouais, oui, aussi, c'est pas bête. Mais, ouais, je pense que c'est ça, parce que, enfin, si c'est le cas, c'est comme ça, parce que il y a 9 classes, donc s'il y a 2 cartes par classe, ça fait 18 cartes. 18 cartes plus 17 boss, on a plus de on a plus que 31 cartes annoncées. En tout cas, jusqu'à présent, ils ont respecté l'équilibre de commune, rare, épique, légendaire par classe. C'est vrai. Donc c'est vrai que je vois pas trop de raison que ça change. Non, donc peut-être que ouais, on débloquera des cartes de classe dans l'aventure. J'avais pas pensé à ça. C'est franchement là, c'est une chose à voir et que je suis assez curieux quand même. Mais après, encore une fois, ça pourrait être sur l'idée de l'arène. Hein, parce qu'encore une fois, c'est vrai que le lanceur de hache peut être intéressant en arène. Juste en commune, ça peut donner du boost aux guerriers qui sont quand même moins forts que les autres classes en arène. Là où le voleur et le chaman ont peut-être moins besoin déjà de ces cartes-là qui sont déjà plus forts que le guerrier en arène. Ça à voir. Je pense qu'on peut passer, peut-être donner pour terminer un peu cette rubrique sur le Black Rock Mountain, on peut peut-être donner nos avis sur l'avenir, qu'est-ce qu'on veut voir et par rapport notamment à Naxxramas, qu'est-ce qu'on n'avait pas forcément aimé et ce qu'on aimerait voir. Alors les choses ont changé, je pense, par rapport à Naxxramas, c'est il y avait certains défis de classe qui étaient assez pénibles. Je me rappelle, je crois que c'était le paladin. Et le guerrier, je crois que c'était les deux, ouais. Qui était assez basé. Enfin, tu pouvais y recommencer 15 fois parce que tu pouvais pas avoir le bon setup. Oui, voilà. Et qui rendait la chose assez désagréable. Ouais, c'était moi personnellement, j'avais pas eu de problème, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des problèmes. Oui, notamment moi avec le guerrier, qu'il fallait jouer sur le combo d'excédrage et que ça marchait moyennement. Tout face à l'adversaire qu'on avait, je sais même plus ce qu'il faisait, mais c'était assez horrible. Et donc voilà. Ouais, c'était juste pas drôle. Voilà. Donc sinon, c'est à peu près la seule chose qui est améliorée. Après, les récompenses qu'on peut avoir, c'est vrai que si on peut avoir seulement, si on pouvait avoir accès aux cartes dorées autrement que par la poussière, ça serait un peu plus. C'est vrai. Ça a pas l'air d'être annoncé pour le moment, mais on peut espérer cela. Ouais. Et c'est vrai qu'ils avaient aussi demandé. Moi, je sais que j'avais eu accès à un petit questionnaire de satisfaction, en gros, et pour voir. Ce qu'on avait aimé, ce qu'on voudrait voir apparaître, et ils posaient des questions sur les récompenses, si on trouvait que c'était suffisant, sur le prix, si ce qu'on en pensait. Donc ça montre que c'est quelque chose dont ils se préoccupent au moins, et que peut-être on peut voir apparaître des changements. Et donc, moi j'espère en tout cas, améliorations. Je pense vraiment qu'il y aura des améliorations. Il me semble qu'ils avaient un peu parlé de ça, non? Ou alors c'était Creep qui en avait parlé, je sais plus, mais moi je suis quasiment sûr qu'il y en aura des changements, des améliorations. Bon, bah je pense qu'on a bien parlé là, et peut-être trop longuement d'ailleurs de la future aventure, mais en même temps on a beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'une aventure qu'on attend vraiment de pied ferme, c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, la Natra, c'est quand même une aventure excellente, on pense que celle-là sera sans doute aussi excellente, et comme on est passionné aussi d'Hearthstone, on en parle beaucoup, mais je pense que maintenant il serait peut-être temps de passer un peu plus sur le background et essayer de connaître un peu plus sur cet aspect, n'est-ce pas, Editor? Très clairement. Et donc on se retrouve pour la rubrique lore. Donc le lore, c'est comme je l'ai expliqué, le background, toute l'histoire qu'il y a derrière le jeu. Et donc a priori là, c'est l'histoire qu'il y a derrière Black Rock Mountain, le Mont Roche Noire. Donc je suis toujours avec Dimitri et Dylan qui vont un peu moins parler. Là c'est un peu ma rubrique à moi. C'est moi qui m'en suis occupé. C'est moi qui raconte. En fait. Voilà, c'est les histoires du père Edouard. Père Edouard. Alors le mont Roche Noire, c'est a une histoire qui est très liée à Ragnaros, bien sûr. Ragnaros, à savoir, c'est un des quatre seigneurs élémentaires. En fait, les seigneurs élémentaires, c'est assez drôle, mais vous les connaissez. Enfin, vous en connaissez trois du moins. Donc il y a bien sûr Ragnaros, et vous en connaissez deux autres. Il y a Neptulon. Ouais, Neptulon. Et Alakir. C'est ça. C'est les deux esprits. Donc Ragnaros. T'avais réalisé ou... Non du tout. Non, je pensais que vous alliez chercher un poil plus, mais non, très bien vu. Donc Ragnaros, esprit du feu, Neptulon, esprit de l'eau, Alakir, esprit du vent, et Terrazan, esprit de la terre. C'est vrai que sur sa carte, Alakir, on n'avait pas trop un esprit du vent. Même. Non, je savais pas du tout cette partie-là, en fait, mais c'est vraiment, en fait... Alakir, Neptulon et Ragnaros, c'est vraiment des gros gros badass, quoi. À savoir, donc, les quatre seigneurs élémentaires. Du coup, on va peut-être voir la... Enfin, juste une aparté, désolé de te couper. On peut s'attendre à avoir le dernier élémentaire. Terrazan sera potentiellement la prochaine carte légendaire du chaman, c'est pas impossible. Ouais. Savoir c'est une espèce de grosse madame très moche en pierre. c'est pas super sexy comme carte. Donc voilà, les quatre seigneurs élémentaires, c'était les lieutenants les plus puissants des dieux très anciens. Les dieux très anciens, c'est les dieux qui régnaient sur Azeroth il y a très très longtemps, dans un temps très lointain où c'était le chaos. Très très longtemps, dans une galaxie lointaine très lointaine. Exactement. C'est les premières divinités, les premiers êtres même qui étaient sur Azeroth, des trucs super puissants qui créaient le chaos, etc. C'était la merde. Là-dessus arrivent les titans. Les titans qui sont des encore plus badass, qui dégomment la tête à tout le monde, ils enferment les dieux très anciens au centre de la Terre et ils bannissent les esprits élémentaires dans le plan élémentaire. Ça fait très mythologie grecque. Hein. Oui, c'est le commentaire que j'allais faire. Mais... L'histoire de Warcraft, c'est ça qui est super riche, c'est qu'il y a de la mythologie, il y a plein de trucs dedans, ça remonte à super super loin. Donc bien sûr, notre histoire se passe bien bien après ça. On a la guerre des trois marteaux. C'est une guerre qui oppose trois clans nains. Donc le clan des barbes de bronze, les marteaux hardis et les sombres fers, dirigés par le sorcier Torrisan. Alors normalement, les sombres fers, le nom doit vous dire quelque chose. Donc en gros, c'est la guerre, les trois clans se foutent sur la gueule, notamment les sombres fers qui font vraiment chier en fait. Les autres, ils arrivent à peu près à vivre en paix, mais les sombres fers, ils veulent toujours se venger, ils sont en quête de vengeance, de pouvoir, etc. Et ils foutent la merde, clairement. Et donc au bout d'un moment, les nains de Marteau Hardy, qui sont plus nombreux, qui sont plus forts, etc., mènent un assaut pour éradiquer les sombres fers et mettre un terme définitif à cette guerre. Sauf que Torrisan n'est pas de cet avis-là, refusant d'avouer sa défaite, il invoque un élémentaire surpuissant pour l'aider dans cette bataille. Et cet élémentaire, devinez qui c'est ? Ragnaros. Merci. Et donc, en fait, Ragnaros, étonnamment, il aime pas trop être contrôlé par un nain. Et en fait, Torrisan se fait buter, quoi. Ça rappelle un peu la même chose avec Jaraxxus, oui, quoi. Oui, c'est un peu la même histoire que Jaraxxus. Sauf que là, c'est un génocide de tout un clan, quoi. Faut dire que le clan Roche-Noire se fait un petit peu massacrer très sauvagement par Ragnaros et son armée d'élémentaires. Qui au passage, en arrivant sur Azeroth, est tellement puissant qu'il invoque un volcan, enfin il génère un volcan en arrivant, volcan qui s'appellera plus tard le Mont Roche Noire. Donc voilà, on a dans les profondeurs de Roche Noire, qui sont les tunnels creusés par les nains, on a Ragnaros qui s'y installe avec son armée d'élémentaires et ses esclaves, les nains sombres fers. Forcément, il a laissé des survivants pour en faire ses esclaves. Donc voilà, en fait, ça c'est les profondeurs du Mont Roche Noir. Donc dans les profondeurs du Mont Roche Noir, il y a deux parties, donc qui correspondent aux deux premières ailes qu'on va faire dans Black Rock Mountain. Donc à savoir en premier lieu les nains, où on va affronter le fils de Torrisan qui s'appelle Dagran, donc l'empereur sombre fer qu'on va affronter, a priori c'est le fils de Torrisan. Et dans la deuxième meule, c'est Molten Core, on devrait affronter a priori Ragnaros et ses élémentaires. D'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'on va affronter Ragnaros, en toute logique, mais on ne devrait pas débloquer sa carte. Puisque oui, on peut se même demander si la carte ne sera pas du coup verrouillée pour face à ce. Non. Si Ragnaros est un boss, est-ce qu'on n'aura pas la carte verrouillée ? Je crois vraiment pas, mais je me pose la question. Alors il y aura une interaction un peu marrante, sans doute. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Oui, il y aura sûrement quelque chose. Ouais. J'avais à voir. Mais ouais. Donc, a priori, on devrait affronter Ragnaros. J'imagine assez mal entrer dans les Black Rock Mountain sans affronter Ragnaros, qui pour moi est le big boss de cette instance. Mais voilà. Donc, a priori, on devrait affronter Ragnaros. Alors. Là, j'ai juste parlé des profondeurs du pic, parce que en fait, enfin des profondeurs du mont, parce que au-dessus de la surface, il y a le pic Roche Noire. Et dans le pic Roche Noire, c'est toute une autre histoire. Donc, on a vu que dans Black Rock Mountain, on affronterait des élémentaires de feu et des nains, mais aussi, a priori, des orques et des dragons. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les dragons ? Alors, les dragons qu'on va affronter, c'est le Vol Noir. C'est une organisation de dragons fondée par Eldemort. C'est des dragons qui, à la base, les dragons, c'est plus ou moins des gentils. C'est quand même des êtres qui sont basés sur l'équilibre, etc. Et c'est des dragons qui ont été corrompus par, devinez qui c'est qui tire les ficelles depuis le centre de la Terre ? Ragnaros. Non ! Au-dessus de Ragnaros, plus fort ! Les dieux très anciens. Non, ah, vous avez rien fini. Les dieux très anciens, donc qui sont toujours vivants. Ils sont emprisonnés apparemment au centre de la Terre, ou du moins sur Azeroth. Et en fait, à chaque fois qu'il se passe une merde incompréhensible sur Azeroth, 9 fois sur 10, c'est les dieux très anciens qui ont corrompu un truc quelque part. Et donc là, a priori, ils ont corrompu Eldemort, qui était quand même un des dragons les plus puissants. Comment Eldemort avant, parce qu'il s'appelait pas Eldemort de base, quoi. C'est pas Neferian, mais ça y ressemble. C'est un nom qui ressemble à... Je me souviens plus. Faudrait que je cherche. Mais en effet, il avait un nom avant et j'ai mal fait mes révisions. Je ne l'ai pas noté, malheureusement. Oh. Ouais, je suis désolé. Mais je voulais pas trop m'attarder dessus parce que ce qui nous intéresse, c'est son fils Neferian qui prend la place de leader du vol noir. Neferian, père et fils, tu sais. non. Neferian, le fils de Eldemort, qui prend la place de leader une fois que Eldemort a disparu. En fait, on pense qu'il est mort. Il est pas mort, il revient dans le cataclysme, il fout la merde. Mais en fait, on pense qu'il est mort, il est pas mort, c'est Neferian qui prend sa place. Bref. Donc, Neferian est un dragon qui est purement maléfique, qui cherche vraiment le pouvoir à tout prix, et qui, dans sa quête de pouvoir, se lie une alliance avec les orques roches noires. Donc les orques roches noires, c'est un peu compliqué, mais le pic roche noire est devenu pendant un certain temps la base de la Horde, quand elle était sous le contrôle d'un certain Manoir. A priori, le nom devrait vous dire quelque chose, non ? Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas trop me mettre là-dessus. Donc, Manoir se fait tuer parce qu'il a trahi la Horde, etc. Il était corrompu, machin chose. Et donc, la Horde s'en va, mais son clan décide de rester. Son clan qui a à sa chef le fils de Manoir, qui s'appelle Rend Manoir. Et Rend Manoir, normalement, ça te vous dit vraiment quelque chose ? Oui, c'est toi, c'est bon. C'est la carte légendaire. C'est la carte légendaire dont on a parlé tout à l'heure, l'orque. Donc voilà, on a d'un côté les profondeurs avec les nains et les élémentaires, et de l'autre côté le pic roche noir avec Neferian et les orques. Et vous vous demandez peut-être comment tout ce monde cohabite, quoi. Il y a d'un côté des dragons, des orques, des nains, oui, des élémentaires. C'est un peu bizarre. Et ben en fait, tout bêtement, ça cohabite pas. En fait, le mont Roche Noire, c'est un champ de bataille, littéralement. C'est deux camps qui se foutent sur la gueule. En fait, Ragnaros et Neferian sont tous deux liés aux dieux très anciens. C'est tous deux des anciens serviteurs des dieux très anciens qui ont plus ou moins repris leur liberté et qui donc de fait se détestent. Cherchez pas la logique là-dedans, mais ils peuvent pas se saquer. Et en même temps, ils sont super intrigués. Tous les deux sont intrigués par la puissance de l'autre. Ils cherchent à obtenir la puissance de l'autre. Et donc, ils se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du mont Blackrock. D'accord, c'est assez intéressant parce que du coup, l'aventure Hearthstone, on peut s'attendre justement à avoir cette rivalité qui sera peut-être mise en scène. Ce serait un scénario assez intéressant. Et justement, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont dit dans un tweet It's dangerous to go alone, donc en référence à Zelda, mais aussi on pouvait se dire que. On va avoir une aide extérieure d'un. Peut-être qu'il faudrait s'allier à un des deux. Et donc, peut-être qu'une fois qu'on. Soit on s'allie avec un type de. Un clan, et on combat à leur côté d'une certaine manière. Ou alors on en bat un et ensuite on se bat à leur côté. C'est pas idiot, il pourrait y avoir des trucs de ce point de vue. Des interactions intéressantes. Ça me paraît un peu étonnant, mais. Bah, on pourrait penser ça par l'interaction du plateau. En tout cas, ce serait intéressant ça. J'y crois pas trop, mais j'aimerais bien. Moi je pense qu'il y aura peut-être un truc avec les interactions du plateau, parce que rappelez-vous dans Naxxramas il y avait un moment une interaction avec le cristaux qui permettait d'aller Moi j'espère quand même que ce sera quelque chose de plus. Oui, mais par exemple imaginons qu'on veut, je dis peut-être une bêtise, mais par exemple si on se retrouve face à Neferian, peut-être que si on touche le marteau de Ragnaros qui est présent sur le plateau, peut-être qu'on invoque Ragnaros, hein. Enfin je dis une bêtise, mais ça pourrait non, être ça me paraît... non, moi ça me paraît vraiment j'espère gros. Vraiment quelque chose de côté du gameplay qui soit plus poussé. Je pense que c'est vraiment possible et ça apporterait vraiment un plus par rapport à voir. Moi j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même les ailes à faire dans l'ordre, etc. Donc c'est pas comme si toutes les ailes étaient livrées d'un seul coup et qu'on devait choisir son camp, quoi. C'est vraiment les ailes d'abord les nains, puis les élémentaires, puis les orques. Non, les orques puis les dragons. Et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, on a la première aile avec les nains, la deuxième aile avec les élémentaires, la troisième aile avec les orques, la quatrième aile avec les dragons, et il en reste une. Reste une aile qui s'appelle le Hidden Lab, le laboratoire secret, et dont on sait pas grand chose en fait. C'est pas un donjon qui était présent dans World of Warcraft. Un laboratoire dans un volcan. Alors, a priori, ce que ça pourrait être, c'est un laboratoire de Neferian. En fait, Neferian, avec l'aide d'alchimistes gobelins, à essayer de faire des Encore eux. à essayer de faire des expériences sur les dragons pour créer une nouvelle race de dragons à partir du Des sang. dragons mécaniques. Non, non, à partir du sang des différentes races de dragons, en fait, en cumulant en mélangeant les sangs des différents dragons, ils voulaient donner naissance à une nouvelle race de dragons. Alors peut-être que c'est ça. Moi, je me dis que ça peut être ça, parce que si on y réfléchit bien, a priori, le big boss de Black Rock Mountain, ce serait soit Nefarian, soit Ragnaros. J'imagine assez mal un autre gros boss à ce donjon. Et du coup, ce serait une histoire originale sur la fin. Je sais pas, mais disons que soit on va affronter Nefarian dans la quatrième aile, soit on l'affronterait dans son laboratoire. Et l'idée du laboratoire de Nefarian, c'est pas impossible parce que si vous réfléchissez bien, dans les cartes qui ont été dévoilées, il y a en effet un alchimiste gobelin qui travaille, qui est boosté si on a un dragon dans la main. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que cette dernière aile Je suis sera le moins d'accord. laboratoire Je de suis. Nefarian avec des gobelins. Peut-être que effectivement ça sera ça, mais je pense pas qu'on va déverrouiller la carte de la technicienne là de qui gagne plus un par rapport au dragon, dans le sens où c'est une carte commune, alors que dans la dernière ère de Naxxramas, c'était des cartes épiques qu'on récupérait à ce moment-là. Donc je pense que ce sera plutôt les cartes épiques, donc ce sera une autre carte qu'on va récupérer dans la Peut-être, dernière ère. mais je dis pas forcément que on va. Je dis pas forcément que cette carte-là sera obtenable dans cette partie-là. Mais pour moi, cette carte-là, on va peut-être l'affronter. Le boss qu'on va affronter l'utilisera peut-être ou ce genre de choses. Pour moi, c'est une des preuves qu'il y a des gobelins qui font des expériences à cet endroit-là. Effectivement, effectivement, c'est assez curieux et on peut se demander si même si Blizzard ne fait peut-être pas du teasing pour quelque chose plus tard pour un autre jeu, hein. Je ne sais C'est à pas, savoir. mais à vrai dire, moi j'ai très hâte de découvrir qu'est-ce qui se cache dans ce laboratoire. Alors on se retrouve pour la partie trucs et astuces et plus généralement les conseils pour les débutants. L'idée ici c'est qu'on va se poser la question de comment dépenser son argent quand on débute sur Hearthstone. De base, quand on débutait sur Hearthstone, on pouvait acheter des paquets classiques et c'était tout, ou faire des arènes. Donc acheter un paquet pour 100 PO ou faire des arènes pour 150 PO. Après il y a eu Naxxramas, puis il y a eu Gnome contre Gobelin, puis il y a eu une nouvelle aventure Naxxramas, donc ça fait qu'au final on a deux aventures, on a deux types de paquets différents, plus les arènes. L'idée c'est qu'on va se poser la question de qu'est-ce qui est le plus intéressant pour commencer. Je pense pas qu'on aura de réponse précise, chacun aura son avis là-dessus, mais voilà, on va juste se poser la question. Moi déjà, vas-y. Vas-y. Bah moi déjà, le premier truc que je trouve très dommage avec Naxxramas, c'est que il a toujours pas baissé de prix. Et Effectivement. c'est un peu dommage. Il y a des cartes de Naxxramas qui deviennent vraiment nécessaires dans la metagame actuelle. Peut-être expliquer ce que c'est que la metagame? Ouais, donc la metagame, c'est pas évident à expliquer, mais en Non, fait c'est pas simple. c'est l'ensemble de Des la règles implicites. face des règles implicites, c'est-à-dire il y a certaines cartes qui vont être tellement fortes que tu vas quasiment être obligé de l'avoir dans ton deck. Ça fait partie de la metagame, de règles qui ne sont pas les règles explicites du jeu. C'est des règles que tu t'imposes à toi-même pour être plus performant. Que la communauté impose aussi. Enfin, Ouais, c'est très lié à la communauté, la métagame. par rapport au deck, en fait, c'est un peu la tendance en fait des différents decks qu'on peut rencontrer. C'est pas juste une tendance, parce que c'est Non, pas c'est juste une sûr, c'est mode, comme c'est un dit. peu. Non, mais je prends C'est l'idée en de fait. Dimitri avec les règles implicites, mais ça va dans l'idée de tendance aussi, parce que on va mettre par exemple une chasse au gros gibier actuellement dans les decks contrôle, dans le sens où parce qu'il y a Dr. Boom qui jouait dans tous les decks. Donc C'est aussi c'est plus dans cette généralement dans idée-là, quoi. Hearthstone, ça regroupe les decks les plus joués, Ouais, clairement. donc les decks les plus forts en gros. Et ouais, donc en fait, cette metagame, c'est vraiment l'ensemble de toutes les façons de jouer en fait. Vraiment, c'est ce qui est le plus efficace. C'est la manière de jouer la plus efficace de manière générale en fait. Est-ce que c'est telle carte qui va être très utilisée parce qu'elle est forte, comme l'a dit Dim, ou plein de choses, ou est-ce que telle classe doit être jouée plutôt avec des decks agressifs, telle classe va être jouée avec plutôt des decks lents, tout ça. Et donc, en fait, dans la metagame actuelle, il y a des cartes de Naxxramas qui reviennent très souvent. Je pense notamment aux les araignées qui sont très présentes dans beaucoup de decks agressifs. Les rampantes, ouais, les. Les rampantes, ouais. Il y a Horeb qui, pour moi, est pas essentiel, mais qui trouve un peu sa place partout, qui est quand même très très Il est quand même chouette. très intéressant Que ce soit dans les decks aggro, dans les decks contrôle, dans les decks aggro, ça te permet de garder ton board un tour de plus. Le Crash Vase, qui est l'un des... Crash Vase, bien sûr. Qui est la provoque, j'irais, du jeu actuellement. Hein. Le Croc Zombie aussi. Croc Zombie est particulier. Après, il y avait le Fossoyeur qui a été salement nerfé, mais le Fossoyeur, pendant un moment, c'était difficile de faire un deck aggro sans le mettre. Ah, quoi. C'était pas vraiment intéressant. Et puis, pour préciser que, par exemple, pour aller chercher le Croc Zombie et, je crois, le Crash Vase, il fallait quand même aller la troisième, voire la quatrième aile, quand même. C'était pas... Ouais, donc c'était 700 PO pour le début, plus 700 PO, on arrivait à 1400, plus 700 PO, c'était 2100 PO, donc c'est... Enfin, non, 2100 ? Oui, 2100, j'allais dire 21 000, n'importe quoi. 2100 PO, ça fait 21 paquets. C'est-à-dire que vous allez gâcher 21 paquets pour obtenir 3 cartes, enfin 3 cartes dont vous avez vraiment besoin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur Naxxramas, ils avaient offert la première aile. Oui, en plus. Ouais. Donc nous, quand on a joué, qu'on était présent lors de la sortie, on a eu la première aile gratuite. Donc on a payé moins cher que les joueurs qui débutent maintenant. Je trouve ça complètement abusé. À noter que pour Black Rock Mountain, la première aile ne sera pas offerte. Hein. On n'a pas précisé tout à l'heure, mais celle-là ne sera pas offerte. Donc on a d'un côté Naxxramas. Après, on a aussi les paquets Gnome contre Gobelin. Moi, je pense que les paquets Gnome contre Gobelin, c'est chaud aussi, parce que pour un joueur qui débute, c'est basé beaucoup sur des synergies quand même. C'est basé sur tout ce qui est méca, etc. Genre, si tu chopes un technicien de bric-à-broc, tu vas pas pouvoir en faire grand-chose si t'as pas ouvert d'autres paquets méca derrière, quoi. C'est pas des cartes qui s'inscrivent n'importe où. Je suis moins d'accord, parce que je pense que... on peut trouver, enfin, il y a quand même dans les communes et les rares qu'on peut récupérer de base, il y a quand même pas mal qui sont quand même assez simples, même s'il n'y a pas forcément les combos derrière. Je pense que tu peux faire quand même des bons decks avec des bonnes. Genre, par exemple, le char araignée, elle reste bonne même sans être dans un deck mecha. Bien sûr, l'Amniotron, ce genre de choses, ça marche bien. Voilà, mais... donc je pense que. Si on devait choisir des paquets quand on commence vraiment, imaginons qu'il y a un joueur qui arrive sur Hearthstone, il veut s'acheter des paquets. Je pense que le mieux reste à acheter les paquets de base. Pour le début, pour avoir les cartes de base, justement. Et une fois qu'il a commencé à avoir, disons, à peu près la 75% des communes et on va dire la moitié des rares, peut-être qu'il pourra commencer à faire une alternance entre les gobelins et gnomes et les cartes de base. Mm-hmm. Après, ça, c'est peut-être mon avis. Après, ça dépend des gens aussi. Hein, et ça dépend des decks qui veulent faire aussi. Hein. Moi, mon conseil, quand on débute, c'est déjà de faire les hauts faits. Ça rapporte un peu de. Donc, il y a des hauts faits en fait qui. Quand on XP un peu c'est les différents persos, déjà, on va obtenir, il y en a différents, vous pouvez regarder sur internet, ça permet d'obtenir quelques gold et donc d'acheter quelques paquets. Moi aussi je conseille d'acheter des paquets de base et en fait d'identifier la classe avec laquelle on a envie de jouer, quel type de deck on a envie de jouer et vraiment de se focaliser là-dessus au début et en fait de se faire un deck un peu vraiment pas mal, assez viable en décraftant toutes les cartes qui ne sont pas qui nous intéressent pas pour notre deck. Tu conseilles toi vraiment moi je conseille de faire ça si on veut si on veut faire un peu de ladder par exemple. Ça permet vraiment de se perfectionner, de vraiment être perfectionné, d'avoir une efficacité avec un deck qui aura la même efficacité en fait si tu avais joué depuis longtemps. Ouais. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour progresser. Je te coupe juste deux secondes, ladder c'est jouer en partie classée, c'est-à-dire les classements, ce qui les parties les plus, entre guillemets, difficiles et les plus compétitives. Moi, je rebondis vite fait sur l'idée de Dimitri. C'est vrai que Dimitri conseille de décrafter les cartes qui ne nous intéressent pas pour pouvoir faire son deck, par exemple, la carte de classe que vous voulez. Après, c'est vrai que vous n'avez pas forcément l'idée de la classe que vous voulez jouer et que vous voulez jouer un peu à tout. Et moi, je le conseille vraiment pas. Et c'est vrai que nous, en général, on a... décrafter très très très peu de cartes, on les a conservées en général. Alors certes, c'est du coup beaucoup plus long pour fermer nos decks, mais je pense que c'est peut-être le même le plus intéressant pour... Sauf qu'après, par la suite, c'est plus avantageux parce qu'on a moins de cartes à décrafter. Parce que surtout, en plus, si on doit décrafter parmi les légendaires, même si elle est pas terrible, qu'elle est pas jouée, je veux dire, le fait que vous décraftez la carte, vous récupérez beaucoup moins de poudre que vous avez besoin pour la crafter. Donc, c'est surtout si après, plus tard, vous avez besoin de cette carte-là, c'est un peu compliqué. Donc, bon, moi, ça me paraît pas. Chacun son avis après. C'est vraiment, vous avez votre idée, que, par exemple, si vous voulez faire un guerrier, imaginons, guerrier contrôle, le deck le plus cher à faire actuellement, et que vous décraftez vraiment toutes les cartes qui vous servent à rien. Ça peut être un choix, mais après, c'est clair que vous avez un très bon deck que peut-être pas actuellement à jouer. Enfin, ça dépend des avis. Mais c'est vrai que vous avez un deck assez compétitif. Mais à côté de ça, vous avez aucun autre deck. Donc après, c'est vraiment un choix dans la façon dont on veut jouer. Moi je le conseille vraiment pas. Parce que en mon sens, il y a quand même beaucoup de rotation via la metagame, etc. Il y a des decks qui vont être très très puissants à un moment et qui du jour au lendemain vont être soit nerfés directement, soit il y a une carte en particulier du deck qui va être vue à la baisse, que les développeurs vont réduire, rendre moins puissante, et du coup d'un seul coup tout le deck s'effondre. Ou alors tout simplement, on l'a vu par exemple avec le guerrier contrôle, il était très fort il n'y a pas si longtemps, et récemment il y a eu l'arrivée d'un nouveau deck, le Mage Mecha, et qui dégomme complètement le guerrier contrôle. Et donc pour moi ça me paraît vraiment risqué de décrafter des cartes pour vraiment fabriquer celles qu'on veut en particulier. Moi je le conseillerais pas, parce que on se concentre vraiment sur un seul deck, c'est risqué, si jamais du jour au lendemain il est moins viable, on perd beaucoup beaucoup, et aussi à long terme je trouve ça moins drôle, parce que moi je sais que je m'enfermerai jamais dans une seule classe, quoi. Je sais que pendant 2 mois je vais peut-être jouer à fond une classe, et puis au bout d'un moment je vais en avoir marre et j'ai envie d'avoir joué. Mais ça te permet d'avoir des golds et ensuite de développer ta collection au fur et à mesure, donc c'est pour le début. Ouais, mais ça me paraît risqué quand même, parce que j'ai peur que tu te dégoûtes du jeu à vraiment te forcer à jouer une seule classe, je sais pas. Et en plus, aussi dégoûter du jeu de voir des gens te sortir des légendaires alors que tu baves d'en avoir une. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, quand tu débutes, tu sais pas forcément, t'as pas forcément une idée, une très bonne vision des cartes qui sont très nécessaires et de celles qui le sont pas, quoi. Moi, je me souviens quand je débutais, il y avait des cartes qui me paraissaient complètement abusées et je me rends compte maintenant qu'elles servent à rien, quoi. Pour revenir vite fait au gold, mm-hmm. On peut donner peut-être vite fait, est-ce que faire des arènes au début, est-ce que c'est vraiment intéressant tout ça, c'est, les arènes ça coûte déjà un peu plus cher qu'un paquet de cartes, ça coûte 150, et disons que pour la rentabiliser un minimum, j'ai envie de dire, il faut faire à peu près 3 victoires. Dans le 3 sens, victoires normalement c'est rentabilisé à coup. Disons que, ça, que vu que vous récupérez pas forcément un paquet à la fin en récompense en arène, donc ça fait déjà 100 PO de moins, et si vous faites 3 victoires vous récupérez à peu près 50 PO, on va dire. Donc en général un poil plus. Voilà. Mais... alors c'est vrai que l'arène ça peut vite monter, si vous faites beaucoup de victoires et que vous arrivez assez loin, vous pouvez gagner quand même beaucoup de bonnes récompenses et aller très très vite dans les progressions pour les cartes, puis au niveau des golds également. Mais après c'est vrai que ça demande l'arène demande un niveau quand même assez élevé si on veut faire beaucoup de victoires. Donc est-ce qu'au début c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Faut commencer à jouer. Mais c'est vrai que après c'est intéressant parce qu'on débrouille des cartes qu'on n'a pas forcément. C'est très rigolo à jouer, oui. Je crois que quand on commence, il n'y a pas une arène qui est offerte, quelque chose comme ça. Si, voilà, on a une arène, mais bon, ça ne permet pas non plus. Non, clairement. Disons que le mieux, c'est quand on fait un nouveau compte, quand on a déjà, par exemple, l'expérience, c'est qu'on fait un compte, par exemple, ce que font les joueurs pros quand ils font un compte, par exemple, aux États-Unis, hein, nord-américains, et qu'ils font un nouveau compte, en général, ils commencent par faire des arènes parce qu'ils savent que c'est le plus rentable pour gagner. C'est le plus rentable. Ouais, pour gagner quand t'es sûr de faire au moins 3 victoires, c'est le plus rentable. Mais c'est vrai que quand on est débutant dans le jeu, c'est pas forcément le plus intéressant à faire. Ça reste fun, faut le faire de temps en temps parce que ça permet aussi d'avoir de l'expérience et connaître mieux les cartes. Mais faut pas mettre non plus tout son or, je pense, dans les arènes. Faut pas négliger non plus le fait que en arène, il n'y a pas de rang qui compte, en fait. C'est-à-dire que si vous débutez dans le jeu, si vous êtes en arène et que vous en sortez un peu bien, vous allez commencer à tomber sur des gens qui ont peut-être 2 ans d'expérience de jeu. Enfin, oui, exactement. Des gens vraiment plus doués que vous, et donc ça peut très vite faire mal, quoi. Donc moi je le conseillerais pas forcément. Et si vous le faites, surtout prenez bien le temps de construire votre deck. En arène, c'est bien plus important d'avoir un bon deck que de savoir bien jouer. Voilà. Juste peut-être pour conclure un peu ce débat, on pourrait peut-être parler un petit peu aussi de l'argent réel et l'importance de l'argent réel et par rapport au PO. Est-ce que vraiment c'est intéressant sur Hearthstone de dépenser de l'argent ou pas? Alors encore une fois, là, on va pas. Je pense pas qu'on va rentrer dans un débat très très long, dans le sens où je pense qu'on va être d'accord. Le jeu est gratuit, c'est un free to play et on peut faire, à mon avis, tout le jeu sans dépenser un euro. C'est clair et net, on peut récupérer de l'or, ça va être plus long par contre. Si vous avez du courage, justement la question que je me pose, c'est quelqu'un qui commence vraiment maintenant, je pense que c'est quand même très dur, mais c'est pas infaisable. Ça dépend, s'il veut jouer à un niveau compétitif rapidement, c'est pas possible de faire ça sans mettre de l'argent. C'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, nous, on va prendre l'exemple de notre part, nous on a déjà dépensé un peu d'argent dans le jeu, ça faut le savoir, mais on n'a pas dépensé non plus des grosses fortunes, on n'a pas encore toutes les cartes, on n'a pas encore le rang non plus de niveau légende, on n'a pas forcément tout déverrouillé, c'est sûr, mais en dépensant un tout petit peu d'argent, on a quand même déverrouillé plus facilement des cartes, quoi. Des nouveaux paquets surtout. Moi je vais compléter un peu ce que tu viens de dire, pardon j'ai tapé dans mon micro. Moi en tout et pour tout dans Hearthstone j'ai dépensé je crois 2 euros, j'ai acheté 2 paquets pendant la bêta juste pour débloquer Gelbin Mécanivelle Doré, et j'ai pas dépensé un centime de plus dans Hearthstone. C'est vrai que c'est plutôt Dimitri et moi qu'on a dépensé un peu plus. Non, surtout j'ai vraiment rien dépensé. J'ai juste joué tous les jours. J'ai fait toutes mes quêtes. Bon, j'en ai raté peut-être quelques-unes, mais dans l'ensemble, j'ai fait vraiment une bonne partie de mes quêtes. Et on s'en sort, on y arrive, hein, vraiment. Sachant que les quêtes, on n'a pas parlé, c'est vrai que c'est la première source de revenus, j'ai envie de dire, dans Hearthstone. Oui, les quêtes... gens qui ont joué un minimum, ils savent ce que c'est. Voilà, et sachant qu'on peut gagner facilement 100 PO, un peu plus de 100 PO tous les deux jours à peu près, en jouant Dans l'idée, faut vraiment, si vous voulez vraiment jouer à Hearthstone, il faut jouer au moins une fois tous les trois jours pour pas louper de quêtes, sinon c'est compliqué. Mais t'as dit qu'on n'était pas au rang légende. Pour moi, c'est pas une question de cartes qui nous manquent. Je pense que vraiment qu'avec les cartes qu'on a tous, il y a moyen qu'on s'y retrouve en légende. C'est juste qu'on n'a pas le niveau, on n'est pas capable. Ouais, c'est le temps. Et il faut être capable de vraiment construire des decks, des actions très particulières. Et pour moi, c'est pas une question de cartes. Oui, je me suis peut-être un peu mal exprimé. C'est vrai que peut-être la façon que j'ai dit de dépenser l'argent par rapport au rang légende, c'est pas du tout comme ça. On passe pas au rang légende en dépensant des fortunes. C'est pas dans ce sens-là, mais disons que c'est en dépensant de l'argent pour dévoiler des nouvelles cartes, on a plus de chances de dévoiler plus de cartes qui permettraient de faire nos decks plus rapidement. En fait, c'est tout ça dans l'idée que je voulais dire. Mais moi, je suis contre les gens qui disent que Hearthstone est un pay to win. Ah, c'est pas du tout le cas. Il y a un aspect pay to win, mais voilà, j'ai jamais dépensé d'argent dans Hearthstone à part pendant la bêta il y a très longtemps. Voilà, c'est tout à fait ça. Après, c'est clair que pour monter dans le ladder, il y a certaines cartes qui sont quand même quasi indispensables. J'ai envie de dire, parce qu'aucune carte est vraiment indispensable, mais il y en a certaines qui sont vraiment importantes. Mais encore une fois, on peut facilement les faire. On se retrouve pour la dernière partie où on va vous présenter ce qu'on veut voir pour la suite et ce qu'on s'attend à voir. Ce qu'on aimerait voir, hein. On n'impose rien à Blizzard, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est vraiment ce qui nous ferait plaisir. Ouais, clairement. Et de quelle manière on voudrait que le jeu évolue. Mmh. Et pour ça, on va se baser sur une vidéo que Creeparian a postée il y a quelques semaines, je crois. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu qui c'est. Donc, Creep, c'est un joueur et un streamer qui est assez connu dans la communauté Hearthstone. Vous pouvez aller voir sur Twitch régulièrement. Si vous allez sur le Hub Hearthstone, vous allez le trouver. Hein. C'est régulièrement celui qui a le plus de vues. Et il fait des vidéos sur YouTube tous les jours. Et donc, il était déjà connu dans Diablo en tant que streamer parce qu'il avait réussi. Il était le premier à abattre Diablo en mode héroïque et aussi dans Path of Exile parce qu'il a contribué vraiment de manière très importante à ce jeu. Et donc c'est un joueur balèze, quoi. Et donc on le retrouve sur Hearthstone où il fait principalement de l'arène mais aussi du ladder. Et donc là dans cette vidéo il nous présente son avis sur la façon dont le jeu devrait évoluer selon lui en se basant sur la sortie des extensions. Parce que ce qu'il remarque, c'est que elles sortent à un rythme assez régulier. Mmh. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux Blizzard, en fait. Ils sortent leurs extensions de manière assez périodique. Mmh. Et pour le moment, c'est environ tous les 140 jours. Et d'ailleurs, il avait annoncé Blackrock Mountain bien avant... Enfin, il avait annoncé la prochaine extension. Je crois même qu'il avait parlé des dragons, hein. il avait deviné. Je sais plus. Je sais plus s'il avait parlé des dragons, mais il avait dit. Il avait donné la date, c'était quasiment ça. Il a dit on va commencer à avoir du teasing dans une semaine ou deux, et l'extension sortira au mois d'avril, je crois. Et au final, ouais. il s'est pas du tout planté, quoi. Donc, Creeparian, c'est Nostradamus, en fait. C'est le maître du temps. Et donc. Nosdurmu, d'ailleurs, hein. Dis pas n'importe quoi. Et donc, son propos dans cette vidéo, c'est que le problème majeur dans Hearthstone actuellement, c'est que les gens qui jouent en ladder et même en partie non classée, c'est toujours les mêmes decks, les mêmes, on va dire 4-5 decks qui font partie de la metagame et qui sont les mieux, les plus efficaces. C'est cela qu'on retrouve dans 90% des parties. Et donc, il n'y a qu'un seul moment dans l'histoire de Hearthstone, enfin deux moments dans l'histoire de Hearthstone où ça a été un peu différent, c'est dans les quelques semaines qui ont suivi la sortie des extensions. Parce que quand une extension arrive, il y a un pool de nouvelles cartes qui apparaît. Et ça fait que les gens, ils savent pas trop comment réagir à ça. Ils essaient des nouveaux decks, ils essaient de créer des combos, de faire marcher certaines cartes. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Mais ça prend un petit temps pour que ça se décante et pour que la metagame se fixe. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ce qui est intéressant pour Blizzard, c'est qu'on soit de plus en plus dans cette zone où la metagame n'est pas fixée. Parce que c'est ça qui fait quand même un peu le... C'est ça qui rend le jeu intéressant, ouais. L'un des intérêts principaux du jeu, c'est de la création de deck. C'est vrai qu'actuellement, enfin... T'as même pas envie de créer des decks parce que le travail est déjà pré-mâché, quoi. Tu vas sur des sites et c'est ça qui est intéressant dans la vidéo. Il compare la communauté à une machine à optimiser les decks. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que c'est assez. C'est ça, quoi. C'est une intelligence collective qui crée le deck, les decks les plus efficaces. Et le seul moyen de changer ça, c'est d'apporter du contenu régulièrement. Et donc, ce qu'on peut attendre, c'est que ces 140 jours qui séparent les extensions. Ils vont être réduits de manière à toujours, ou peut-être pas toujours, mais pour une grande partie, toujours être dans cette zone où les decks sont pas fixés. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est frustrant, quoi. Enfin, c'est pas drôle de vraiment voir. Encore, t'as dit, il y a 5 ou 6 decks qui reviennent 90% du temps. Moi, je trouve que c'est même pire que ça. T'as le top deck qui revient 40-50% du temps. Après, t'as 40% où c'est les autres decks, et après, t'as même pas 10% qui sont vraiment originaux. Et c'est sûr. Frustrant, quoi. C'est ça qui est vraiment génial après une extension, c'est que tu tombes sur n'importe quoi, tu tombes sur des gens qui font des essais, tu comprends pas ce qu'ils font, et puis d'un seul coup, ils te sortent des combos complètement improbables que t'as jamais vu et qui te mettent 20 points de dégâts d'un coup. Et en même temps, c'était super énervé, et en même temps, tu dis putain, mais je m'y attendais pas, quoi. Et ça permet de faire émerger de nouveaux profils de joueurs, c'est les gens qui sont créatifs dans leur deck. Et qu'on peut pas forcément retrouver, ils sont peut-être un peu moins bons sur les plays qu'ils font, ils sont peut-être un peu moins rigoureux, mais ils ont cette créativité, et ils apportent des nouveautés au jeu, alors que ces gens-là, on les retrouvera pas quand la metagame est fixée, et que ce sera beaucoup plus compétitif. Surtout, j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est vrai que les decks qu'on retrouve régulièrement, c'est surtout dans le ladder, qui est déjà plus fatigant. Mais disons que c'est surtout aussi pour tout ce qui concerne les tournois et les compétitions en général, où là, vraiment, on retrouve toujours les mêmes archétypes. Et si on suit un minimum de tournois et de compétitions, il n'y a vraiment pas de surprise, et c'est un peu dommage, quoi. C'est frustrant. Il y a Crip, je crois d'ailleurs, qui disait à un moment carrément tu vas sur les sites qui répertorient les decks, tu regardes le top deck. Et à chaque fois que le mec sort une carte, tu coches la carte. Hein. Un top deck, c'est pas ça. Hein. Non, les il va voir les meilleurs decks. Et en fait, s'il affronte un mage, il regarde le deck mage le plus joué. Et en fait, il s'amuse, il prend toutes les cartes et il les coche toutes au fur et à mesure que l'adversaire les joue. Et en fait, c'est vrai qu'en jouant comme ça, tu peux savoir, tu sais à l'avance que l'adversaire a dans son deck. Tu sais exactement à quel tour tu vas mourir parce que tu sais qu'il a un combo dans la main, etc. Et c'est vraiment pas drôle, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien, quoi. C'est super frustrant. Mais en même temps, je veux dire, même moi, en ayant conscience de ça, enfin, je sais pas vous, mais j'ai quand même pas envie de me risquer à expérimenter des decks parce que je sais que je vais tomber contre des decks qui sont optimisés, qui ont été vraiment recherchés, fouillés, etc. Et contre lesquels j'ai un peu aucune chance, quoi. Et donc, même en ayant conscience que c'est pas la manière la plus drôle de jouer, et j'ai quand même pas envie de jouer autrement parce que je sais que c'est la manière la plus safe, quoi. Et pour moi, c'est vraiment pas le but de Blizzard. Et ouais, comme Crip l'a dit, la seule façon mais de faire ça, c'est. Du coup, ce que ça implique, c'est que ça va encore multiplier les façons d'obtenir les cartes, et donc ça va vraiment rendre impératif pour Blizzard de faciliter l'accès aux cartes en quelque sorte, de trouver un moyen de rendre les cartes plus accessibles pour les nouveaux joueurs. J'aimerais vraiment qu'ils réduisent les prix déjà de Naxxramas parce que c'est un peu particulier. Après, réduire les prix des autres paquets, je suis pas convaincu. Mais... Ah, si on augmente vraiment de beaucoup le nombre de cartes, je pense que c'est quand même envisageable de. Ou alors rajouter une carte par deck, enfin par paquet qu'on achète. Enfin, je pense que c'est vraiment des trucs qui sont envisageables dans l'optique d'un. où il y aurait énormément trop, plus de cartes. J'y crois pas trop. Mais ouais, déjà, donner peut-être plus de decks aux nouveaux joueurs, histoire qu'ils soient moins largués, je pense que ce serait déjà pas mal. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir régulièrement des nouvelles extensions. Et je sais pas si tu te souviens, mais dans le sondage dont tu as parlé tout à l'heure, il y a Blizzard qui avait aussi suggéré l'idée d'ajouter des cartes tous les mois ou tous les deux mois. Pas forcément dans le contexte d'une extension, mais moi je trouve ça assez chouette, l'idée d'avoir tous les mois 2-3 nouvelles cartes qui arrivent. C'est pas ça qui va révolutionner les metagames, mais au moins ça ajoute un petit peu d'originalité. Après, ça pose la question de l'équilibrage, de savoir si, si à chaque fois les cartes qui arrivent sont de plus en plus fortes, ça peut poser des problèmes et ça peut finalement être contre-productif et faire qu'on va devoir avoir ces nouvelles cartes et complètement oublier les anciennes. Bon, personnellement, moi je suis moins fan de cette idée justement d'avoir une carte ou deux qui apparaissent une fois par mois, dans le sens où moi, je préfère quand même avoir vraiment des extensions ou des extensions qui nous proposent des paquets, enfin pas des paquets, mais qui nous proposent vraiment des thèmes en fait entre différentes cartes. Par exemple, là on aura les dragons, là on avait les mechas qui se sont mis en place. Je trouve ça plus intéressant qu'ils nous offrent un panel de cartes en fait qui peuvent avoir une synergie et qui peuvent renouveler des synergies qui existaient déjà, plutôt qu'avoir une nouvelle carte qui apparaît et qui s'incruste un peu comme ça. Après, l'intelligence qu'a Blizzard là-dessus, c'est de sortir les ailes une à une et de pas tout en même temps. Et du coup, et ben en fait, on a 5 ailes qui vont sortir réparties sur 5 semaines. Et du coup, bah là où si tout était sorti en même temps, et bah du jour au lendemain, tous les gros vont dépenser plein d'argent et débloquer toutes les cartes d'un seul coup. Et 3 semaines plus tard, la metagame elle est fixée. Et bah là, sur ils gagnent 5 semaines où les gens découvrent les cartes petit à petit, les expérimentent, etc. Et je trouve ça plus intelligent, moi. Et j'aimerais bien que ça soit sur des périodes encore plus longues, quoi. Puis c'est vrai que ça n'empêche pas moins de cartes réparties plus longtemps, soit. Ce que tu disais, Dylan, ça n'empêche pas de. Tu peux faire un truc à thème et le répartir la sortie des cartes sur 3 mois, par exemple. Je suis moins fan. Après, c'est mon avis personnel. Hein. C'est juste le goût que ça me donnerait par rapport à ce qu'on a déjà. Il y a moins le côté hype, tout le monde en parle, tout le monde est dessus. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. C'est plus dilué, c'est peut-être moins drôle. Puis non, mais je sais pas, avoir une carte qui sort tous les mois, ça ferait un peu penser comme dans les MOBA, Heroes, genre nouveau champion ce mois-ci, enfin, ça fait la nouvelle carte ce mois-ci, enfin, c'est... Ouais, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Bah, disons que même dans la tradition, j'ai envie de dire, même des cartes, des jeux de cartes, en fait, la nouvelle extension, c'est un paquet entier qui arrive, c'est pas une carte qui arrive comme ça. Ouais, mais Blizzard a blisé bien des traditions à ce niveau-là, hein. Blizzard, oui, mais j'ai pas trop envie qu'il casse quand même le code complètement, toi, qui renouvelle le genre et qui mette ça en place par rapport à un jeu virtuel, oui, mais qui casse complètement le code, je suis pas sûr. Je peux comprendre, mais bon, moi j'aimerais bien. Et voilà, ça va être la fin de ce podcast. Moi je me suis bien amusé à le tourner, c'est un format qui me plaît beaucoup. C'est sympa. Mm-hmm. À terme, on compte ajouter une rubrique courrier du lecteur. Alors bien sûr, pour ce premier épisode, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y en aura qu'un de lecteur. Courrier des lecteurs, merci de me corriger. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis courrier du lecteur, en plus c'est courrier des auditeurs. Ça n'a aucun sens. Même c'est le seul qui va lire la description de la vidéo. D'accord. Donc oui, pour ce premier épisode, ça n'a pas trop de sens parce qu'on n'a pas de retour. Mais voilà, nous on attend de pied ferme vos retours, vos avis, tout ça. On a pour ça fait une adresse mail, donc portailinstable@gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi nous laisser les retours, les commentaires dans la description de la vidéo YouTube, si vous regardez sur YouTube, ou alors sur Twitter. Vous pouvez me contacter, moi, à @editormc. Dylan, tu voulais donner ton Twitter aussi ? Oui, bah, pour moi, c'est @orojti, tout simplement. Hein, donc, okay. Pour nous retrouver facilement et nous tweeter. Donc, si vous avez envie de tweeter, mais bon, Twitter, c'est quand même pour des questions très courtes, etc. Si vous avez envie de vous étaler, etc., bah, n'hésitez pas à passer par le mail. Donc, l'idée de ce courrier des auditeurs, c'est d'avoir déjà vos retours sur l'émission. premièrement, de vraiment, dites-nous, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, on a donné nos avis, on a fait que ça, donner nos avis toute la durée, vous avez le droit d'être d'accord et de pas être d'accord, et vraiment, vous avez le droit de le dire, quoi, on vous encourage à le dire, l'idée c'est d'en discuter. Si j'ai dit une connerie dans la partie lore, faites-le moi remarquer aussi, j'ai été fouillé dans les wikis, etc., j'ai un peu fait ça comme je pouvais, il y a peut-être des erreurs qui s'y sont glissées, et donc si j'en ai fait, je serais ravi que vous me les signaliez. Un concept que j'aimerais bien aussi mettre en place, c'est que vous nous suggériez des cartes. Il y a plein de générateurs de cartes sur internet, et si vous avez des idées qui vous paraissent originales, et bah vous nous les envoyez, vous envoyez le coût de la carte, ses dégâts, ses points de vie et son effet. Et on en discutera. On discutera de est-ce qu'elle est intéressante, est-ce que pour vous elle rentrerait dans tel ou tel deck, est-ce que vous est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce qu'elle est équilibrée, oui, premièrement, bien évidemment. On peut attendre aussi l'idée. Là, on précise pour une carte, mais vous pouvez pas aussi proposer des decks un peu originaux qu'on trouve pas aujourd'hui. Une classe voilà. Comme Amaz Lafay, il avait présenté le Chevalier de la Mort et le Moine, qui étaient absolument géniaux. D'ailleurs, je vous conseille d'aller les voir. Oui. C'était vraiment des concepts avec des pouvoirs héroïques, des choses et tout, et c'était super cool. Donc, si vous avez un concept comme ça à nous envoyer, et bah faites-le. On passera un petit moment pour en discuter si on le trouve intéressant. Et voilà quoi. Et enfin, bah, si vous avez des retours sur Hearthstone de manière générale, sur certaines cartes, est-ce que vous pensez que certaines cartes est complètement abusée, si elle s'appelle par exemple Docteur quelque chose, je dis un nom au pif, hein, bien sûr. Non, mais voilà, si vous avez des avis sur le jeu de manière générale, des choses dont vous voulez qu'on parle, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on donne notre avis, envoyez-le nous et on réagira. Je pense que c'est un peu l'idée de cette rubrique voilà. Des lecteurs. Des auditeurs. Ah. Bon, sur ce, je vous rappelle que le podcast est téléchargeable dans la description de la vidéo ou dans la description de quel que soit le support que vous êtes en train de regarder, vous pouvez le télécharger si vous voulez le réécouter une deuxième fois sur vos MP3. Ça dit que ça. Donc, y a vraiment rien de mieux à faire. Moi, je pense qu'on va se laisser là, du coup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Bah, juste que soyez indulgents. Non, mais c'est, oui, c'est vrai. C'est notre première émission. On essaie de faire notre mieux. Donc, c'est pour ça qu'on attend aussi beaucoup vos retours. Hein, parce qu'on espère en tout cas que ça vous plaît. Et que tout ce qu'on a dit vous a fait sourire de temps en temps aussi. Parce que voilà, quoi, on aimerait continuer ce concept. Et en espérant toujours l'améliorer. Et pour l'améliorer, on a besoin de vous également. Voilà. Ah ouais, moi, j'espère que ça vous a plu. Qu'on n'a pas trop d'idées de trucs qui vous ont choqué. Qu'on aura vos retours aussi. Mmh, très clairement. Donc oui, comme Dylan l'a dit, soyez indulgents, c'est la première fois qu'on s'essaye à ce format, c'est un peu particulier. Moi ça me plaît beaucoup, je sais pas, moi je me suis bien c'est sympa. Ce c'est chouette. Sympa à tourner, ouais. Sympa, bon. Puis je trouve qu'en règle générale aussi, de manière, entre nous on parle beaucoup de Hearthstone, parce qu'on est des grands joueurs de Hearthstone quand même, et comme on a Edouard avec nous. Des grands joueurs. Non mais dans le sens où on joue beaucoup quoi, voilà, c'est-à-dire on joue quand même tous les jours. On est des gros joueurs, on joue beaucoup, pas bien. Des gros joueurs, voilà. disons qu'on a un avis régulier, et c'est vrai qu'on discute entre nous, et si on peut étendre nos avis et les partager également à plus de monde, à la communauté de Hearthstone, ça peut être très sympathique. Donc voilà, encore une fois, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Merci aussi si vous avez passé toute la partie juste pour écouter l'outro, c'est quand même gentil, c'est quand même un effort sympathique. Voilà. Et on va se laisser on là. On vous offre un cookie. Un cookie virtuel. Et on va se laisser là pour cette fois-ci. C'est la fin de ce premier épisode du Portail Instable, et on vous dit à très bientôt. Salut.